Il y a 15 minutes, personne n'était encore là sur Skype, la chatroom était cassée et Billy venait de débarquer chez moi avec une invitée et tout plein de notes. Bref, c'est n'importe quoi, c'est freestyle, vous êtes dans Podcast Science 218, bienvenue. Alors, salut à tous. On va commencer par un tour de table. La table est très grande. On va commencer d'abord par la table virtuelle. Donc, depuis la chatroom, nous avons Boson, qui ne peut pas parler, du coup. Depuis... Ah, si, elle peut parler. Mais elle est depuis la chatroom. Elle n'est pas chez toi. Elle n'est pas chez moi. Et donc, depuis Paris, on a Robin. Salut, Robin. Salut. Et donc, Boson. Parfait. Qu'on vient d'entendre rire, on a Irène depuis Santa Barbara. Salut, Irène. Bonjour. Johan depuis Baltimore. Salut. Et toutes ces destinations sans même lire une seule note. Parfait. Julie depuis Nice. Salut Julie. Salut. Et ben, je crois que j'ai dit tout le monde pour la table distante. Et donc on va passer à notre table physique à Paris chez moi, où nous avons Billy. Bonjour. Et pour finir, notre invitée Marie, où je ne vais pas en dire plus parce qu'on va tout savoir tout à l'heure. Salut Marie. Salut. Et donc justement, au sommaire de l'émission de ce soir, on aura peut-être et en fait pas une rubrique de Robin, c'est ça Robin ? Ouais, non, là j'étais un peu trop débordé là. J'ai osé prendre un week-end. On aura donc l'interview de Marie par Billy, ça promet. Toute une pelletée de retours d'émissions, de plugs, et puis bah, ce sera tout pour ce joyeux freestyle. Voilà. Quelque chose à ajouter ou on commence par l'interview de Marie par Billy ? On peut y aller. La parole est à toi. Alors, moi, je voulais inviter Marie parce que souvent, et vraiment, en général, ça ne fonctionne pas, j'essaye de convaincre mes élèves que la biologie, c'est la clé de tout, c'est vraiment essentiel, qu'il faut aller faire des études de biologie, que ça mène à tout, qu'on peut faire plein de métiers différents, passionnants, lorsqu'on fait des études de biologie. Mais malheureusement, en général, mon petit laïus de 20 minutes se termine par une question d'élève qui dit « Mais alors, madame, et vous, pourquoi vous êtes juste prof, quoi ?» Alors je sens déjà que j'ai pas convaincu les foules avec mon laïus, et c'est là que je voudrais sortir de ma poche mon petit joker, Marie la chercheuse, qui va être là avec nous ce soir. Marie, c'est une fille que j'ai croisée deux fois par hasard la même semaine dans Paris, dans des quartiers très différents, donc c'est quand même un peu le destin qui nous a fait nous croiser. Un concert des Black Strobes, pour ceux qui connaissent, vous pouvez être certain que donc, c'est une fille cool. Et puis surtout, au hasard d'une conversation, j'ai compris qu'elle était chercheuse en biologie. Bon, vous me direz, il y en a déjà pas mal qui sont chercheurs en biologie, mais qui sont souvent déprimés. C'était pas le cas chez Marie, donc ça m'a tout de suite intéressée. Et en plus, elle était aussi accessoirement guide en Antarctique. Là, je me suis dit, j'avais tiré le gros lot et qu'il fallait absolument que je vous l'emmène sur Podcast Science d'abord. Et puis après, la suite, c'est ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'amènerais dans mon lycée pour faire les interventions à la place de la conseillère d'orientation. Donc Marie, c'est celle qui vous rendra le goût de la recherche et puis vous ajoutera des petites épices à la sauce Indiana Jones. Et c'est pourquoi je l'ai suppliée ce soir de venir nous raconter son parcours, son métier et surtout ses voyages dans ce freestyle. Et bon, on va commencer avec Marie. Salut. Salut. Donc, en gros, les auditeurs n'ont pas forcément l'habitude de te rencontrer sur Podcast Science. Je voudrais que tu nous refasses un petit débrief de ton parcours et comment tu es arrivée en biologie. Alors, juste pour dire, actuellement, Marie, qu'est-ce que tu fais ? Alors, en ce moment, je suis chercheur. Je dirige une petite équipe de recherche au Collège de France, à Paris. Et voilà, je fais de la biologie. Et à côté, effectivement, comme tu disais, je suis guide sur des bateaux expéditions en Antarctique. Donc ça, c'est à côté de mon travail de recherche. Et du coup, Marie est super modeste parce que ce qu'elle ne dit pas dans son parcours, c'est qu'elle est passée par plein d'universités différentes, qu'elle a visité un peu tout. Oui, et après, je te raconte mon parcours. Voilà. Du coup, déjà, à la base, tu viens d'où ? Parce que nous, on est assez sectaires, on aime bien savoir d'où viennent les gens, même si après... Alors, née à Tours, dans le centre de la France. Après, j'ai grandi à Strasbourg, donc c'est là que j'ai fait la première partie de mes études de biologie. Et je suis allée les finir à Marseille. Donc j'ai fait ma thèse à Marseille, à la fac des sciences de Lumini. Et ensuite, après ma thèse, j'ai passé 5 ans à Boston, aux États-Unis, à l'université d'Harvard. Donc j'ai fait un postdoc là-bas. Ouais. Attends. Moi, tu m'expliques comment, quand on a fait une thèse à Marseille, on finit à Harvard. Parce qu'en fait, à l'époque, voilà, j'avais envie de partir aux États-Unis, continuer à faire de la science. Et puis aussi, quand on va avoir un poste en France et faire la recherche en France, il faut avoir une expérience à l'étranger, c'est important. Donc voilà, après ma thèse, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et puis Boston, c'était tout simplement que j'avais mon copain de l'époque qui était là-bas. donc je voulais aller à Boston. Et puis, y a plein de super universités. Il y a le MIT, Harvard, etc. Et j'ai interviewé un petit peu partout et je me suis retrouvée dans un super labo à Harvard. Voilà. Comment dès le départ, parce que moi c'est ça qui m'intéresse en tant que prof, comment tu t'es dit « Ah, je veux faire de la biologie », ça s'est passé tôt, ça s'est passé plus tard? Ça s'est passé tôt, ça s'est passé très très tôt. En fait, je sais pas, depuis toujours, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être chercheur. Enfin, je suis passée par des phases aussi de styliste, couturière, journaliste, vétérinaire, mais principalement, je voulais être chercheur. Je sais pas, je voulais avoir une blouse blanche et me balader dans les labos et... il me semble que je te racontais ça, j'avais cette idée un peu farfelue que soit j'avais deux solutions, soit je travaillais avec le commandant Cousteau sur la Calypso pour l'aider à découvrir des nouvelles espèces, ça, c'était l'option 1, et l'option 2 c'était de travailler sur le radeau des cimes en Amazonie, sur la canopée des arbres pour découvrir des nouvelles espèces aussi, c'était mon truc, je voulais trouver des espèces. D'accord. Mais donc c'est depuis toujours, ouais. Et du coup ta thèse, c'était quoi l'objet exactement? Alors la thèse, j'ai fait une thèse en embryologie principalement, donc biologie du développement, c'est-à-dire que voilà, je me suis intéressée au développement des cellules souches musculaires chez l'embryon de poulet. Donc en gros, pendant ta thèse, tu prenais des petits poulets, et ensuite qu'est-ce que tu faisais? Ah, des petits poulets pas encore nés, hein, donc des embryons de poulet, donc je prenais des œufs tout simplement, fécondés, on les mettait incubés, et voilà, on travaillait à des stades relativement précoces, et donc voilà, on les met incubés, et puis après, j'étudiais le développement du muscle, très exactement. Donc, en fait, comment la taille du muscle était régulée au cours du développement embryonnaire. Voilà, comment on fait des gros muscles, des petits muscles. Ah. Voilà, et donc, je travaillais sur le pool de cellules souches musculaires embryonnaires. Et comment on fait des gros muscles, alors? Si demain, je vais être haltérophile. Un des moyens, enfin, en tout cas, celui sur lequel j'ai travaillé pendant ma thèse, c'était celui d'exprimer beaucoup d'une protéine qu'ils appellent myostatine, voilà, et qui permet de réguler ce qu'on appelle l'homéostasie musculaire, c'est-à-dire la taille finale des muscles après le développement. Donc, il y a moyen de tricher? Si moi, demain, je veux faire beaucoup d'homéostasine, il faut que je fasse comment? Il faudrait tricher dès l'embryogenèse, mais par contre, je sais que myostatine, c'est vendu dans des gros pots aux États-Unis, ils vendent ça dans des... On peut prendre ça quand on fait de la muscu, effectivement. Donc ouais, il paraît qu'on peut tricher avec cette protéine. Jamais essayé. Ok, toujours bon à savoir si je veux un embryon un jour et puis qu'en plus je veux qu'il soit haltérophile. Pas trop bon pour la santé. Donc tu fais ta thèse sur l'embryologie du développement, sur les cellules musculaires, donc tu travailles sur les poulets et puis tu décides de partir et tu vas étudier quoi? Et alors en fait, je décide de revenir à ma première envie qui était de faire de l'évolution, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de l'évolution, et puis il n'y avait pas vraiment cette option-là en France, en tout cas à l'époque où j'ai commencé ma thèse. C'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup, et donc du coup j'ai fait du développement, et c'est après à Harvard que j'ai trouvé un labo qui s'appelle, enfin on parle d'EVO, c'est-à-dire évolution et développement, donc on travaille sur l'évolution de l'embryogenèse. Comment les embryons évoluent pour créer les différences entre espèces. Alors, attends, parce que je ne suis pas sûre de suivre. Du coup, l'EVO-DEVO, tu dis que c'est... Donc, tu étudies comment un embryon évolue pour donner plusieurs espèces ou tu étudies les différences entre les... si tu devais... Alors, pour essayer d'expliquer simplement, j'essaie d'étudier les contraintes embryonnaires à l'évolution. C'est-à-dire que le développement embryonnaire, c'est quelque chose de très régulé. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas trois pattes, un seul œil, etc., sans conséquences graves. Donc, c'est quelque chose qui est très cadré, si on veut. D'un point de vue génétique, moléculaire, c'est très cadré. Et par contre, l'environnement, y a une pression de sélection qui pousse à la variation. Pour s'adapter à son environnement, il faut changer, etc. La plupart des caractères, des morphologies étant établies au cours du développement embryonnaire, eh bien, il faut que ce développement embryonnaire puisse changer, en fait. Il faut qu'il varie. Donc il y a une espèce de balance entre cette pression de sélection à la variation et puis la pression du développement embryonnaire pour ne pas varier. Et donc on appelle ça la contrainte embryonnaire. Donc c'est typiquement là-dessus que je travaille. J'essaie de comprendre quels sont les gènes, quelles sont les molécules qui sont contraintes. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, au départ, tu étais en train de regarder comment se former les muscles au cours du développement chez le poulet, et tu passes aux États-Unis. Et donc là, tu vas étudier les vaudevaux, mais plus... Donc toujours chez l'embryon. Par contre, j'ai changé d'organisme modèle. Donc j'ai arrêté de travailler avec les oiseaux, j'ai commencé à travailler avec les rongeurs. Et j'ai changé de tissu modèle, j'ai arrêté le muscle et j'ai commencé à travailler avec la peau. Et plus précisément avec les motifs pigmentaires, c'est-à-dire la distribution de la couleur sur la peau. Pourquoi ? Parce que c'est un caractère déjà visuel, qu'on peut facilement quantifier, etc. Et puis aussi soumis à une pression de sélection énorme, et pour lequel il y a une grosse variation dans la nature. Donc on est vraiment dans ce cadre où on a un caractère embryonnaire, enfin en tout cas établi pendant le développement embryonnaire, qui varie beaucoup dans la nature et qui est contraint. Ok, alors attends, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Il y en a une qui vraiment porte sur ton sujet d'étude, mais la première chose, moi je m'imagine, petite thésarde, étudiant le poulet et le muscle, me retrouver à Harvard en train d'étudier un autre organisme sur un sujet qui n'avait rien à voir avec celui de ma thèse. Au départ, ça doit quand même être une sacrée pression. Comment est-ce qu'on fait face ? Alors, en fait, bon, ouais, ok, c'était un petit peu flippant, mais j'ai repris quand même beaucoup des techniques que j'avais utilisées pendant ma thèse. Donc j'ai fait peu de changements techniques. Donc je maîtrisais les techniques, etc. C'est juste les questions qui ont un peu changé. Donc ça a été une adaptation théorique, en fait, dans ma tête. Et puis ça a été l'organisme modèle. Mais bon, ça, voilà, entre un embryon de souris, un embryon d'oiseau, au stade auquel je travaille, il y a finalement assez peu de différence. La différence, c'est juste l'animal adulte. mais finalement, au stade où, sur lequel je travaille, c'est pas... Ça compte pas beaucoup. Donc, en pratique, en thèse, tu tuais quand même des embryons de poulet, tu regardais s'ils avaient eu des muscles qui s'étaient plus ou moins développés. Et quand tu arrives pour la suite, tu travailles sur quel organisme modèle ? Tu parlais des souris ? Voilà, donc ça, c'est des souris. Alors souvent, quand on fait de l'embryogenèse pure et dure, si j'ose dire, on travaille sur des organismes de laboratoire. Mais là, quand on veut faire de l'évolution, il faut travailler sur des populations naturelles. Donc j'ai commencé à travailler sur des souris sauvages. Donc c'est là que j'ai commencé à faire du terrain et à aller en dehors du labo et à aller vraiment choper mes souris dans la nature. Quand tu dis souris sauvage, je vois une espèce de souris monstrueuse avec des dents d'alligator, tu sais, qui peut te choper au coin du buisson. Non, des petites souris toutes mignonnes qui vivent sur les plages de Floride, qui sont toutes petites, mais qui mordouillent. Mais... D'accord. Et donc, du coup, ces souris, pour nous faire peur, tu peux nous donner un espèce de petit nom en latin ou Alors, je travaillais sur deux espèces. C'était Peromyscus polynotus subgriseus. Wow. Et la deuxième espèce, Peromyscus polynotus leucocéphalus. Et ça veut dire quoi ? Alors, en fait, c'est deux espèces de souris, deer mice en anglais, donc la souris daim, ou en tout cas souris à pattes blanches, je crois, en français. Et puis, il y en a une qui vit dans les champs et une qui vit sur les plages. D'accord. Et pourquoi tu étudiais ces deux espèces particulièrement et en quoi tu pouvais relier ça aux contraintes embryonnaires et à l'évolution ? D'accord. En fait, ces deux souris-là ont une variation dans leurs motifs pigmentaires. Elles ont des motifs pigmentaires tout simples. Elles sont bicouleurs. Elles sont marron sur le dessus et blanches sur le dessous. Et celle qui vit dans les champs, eh ben, elle est plus foncée. Enfin, la zone marron est plus grande que celle qui vit sur les plages, qui donc apparaît plus claire et plus protégée sur son environnement de plage à la prédation par les oiseaux, etc. Ah, en gros, la souris marron dans un environnement marron, elle se fait moins repérer par un prédateur, et la souris blanche dans une plage de sable blanc, elle se fait moins bouffer. Exactement. Donc on a une variation dans un caractère, le motif pigmentaire établi au cours du développement embryonnaire, et une variation qui compte pour la survie de la souris. Ça veut dire qu'une fois que je suis née avec un motif pigmentaire, je ne change pas de motif pigmentaire ? Alors si, on peut changer de motif pigmentaire. En fait, on peut changer de couleur suivant... Alors, l'homme, ce n'est pas un super bon exemple. Parce que sa couleur, si je regarde mes cheveux blancs... Un petit peu différemment. Ouais, bon, puis il y a l'histoire des cheveux blancs, ça c'est encore différent. Mais chez la plupart des... Beaucoup d'oiseaux et chez la plupart des animaux, on change de couleur selon le sexe, selon l'âge, selon la saison, l'environnement, etc. Chez les grands singes, par contre, la couleur, c'est quelque chose de stable tout au long de la vie, plus ou moins. Les grands singes n'ont pas de cheveux blancs. Les grands singes n'ont pas de cheveux blancs, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, ils ne vivent pas assez longtemps pour accumuler beaucoup de cheveux blancs. Ah, c'est... Mais c'est une bonne question, j'imagine qu'ils doivent en avoir un peu, j'en sais rien du tout. Faudrait que j'y regarde. Ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il y a moyen de se faire des sous sur cette étude. Mais bon, encore une fois, ça, c'est le changement de couleur. Ce qui est différent du motif pigmentaire qui, lui, est vraiment la distribution de la couleur. C'est-à-dire qu'on fait des poids, des taches, des zébrures, etc. C'est vraiment ça qui... D'accord. M'intéresse. Et du coup, donc, tu étudies ces contraintes-là pendant le développement embryonnaire. Tu fais quelques articles et la thèse file. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ce postdoc file? Qu'est-ce que tu retiens de... Eh bien, que ça m'a remis le pied à l'étrier. Parce qu'à la fin de ma thèse, j'en avais marre, franchement. Il faut que je motive tes élèves. Attends, ça vient. Mais non, j'en avais marre. C'était dur. La thèse, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça se passait bien, mais bon, vraiment, j'avais hâte que ça se finisse. Et puis, aux États-Unis, je me suis retrouvée déjà dans un autre pays, dans une nouvelle ville, découvrir plein de choses différentes. D'un point de vue personnel, c'était vraiment fantastique. Et d'un point de vue scientifique, dans un environnement absolument incroyable, un labo génial, une université, c'est vraiment une des meilleures du monde. Donc, j'avais les moyens de faire tout ce que je voulais. Je me suis éclatée. Je me suis carrément éclatée. Donc, ce que j'en retiens, c'est 5 ans de fun, quoi. Vraiment de fun scientifique. Mais en gros, moi, j'imagine que pendant ton postdoc, tu as passé ton temps à aller chasser la souris sauvage, soit sur la plage, soit sur les champs, là où elle vivait. Donc, ouais, ça devait faire... D'accord, ça faisait quand même partie de ton travail d'aller crapahuter pour aller chercher des souris. Et en fait, j'essaie d'imaginer ton quotidien. Comment on s'y prend pour aller choper de la souris? Comment tu la prononces déjà? Peromyscus polio notus. On a qu'à l'appeler la souris des champs ou la souris des plages. On s'y prend avec des petits pièges, en fait. Des petits pièges rectangulaires qui ferment avec une espèce de trappe. Et puis, on les pose en début de soirée, on en met une centaine et on revient le lendemain matin et il y a 50 souris dans les pièges. C'est d'une facilité. Il y a quelques serpents parfois. Pas trop en Floride, mais dans d'autres endroits, ça peut arriver. D'accord. Et en Floride, vous avez chopé quoi? En Floride, on a eu une fois... Bon, on a souvent des pièges où il n'y a rien du tout. Et puis, beaucoup de fourmis et puis des petits scorpions et puis des oiseaux. Ça arrive. Mais sinon, beaucoup de souris. Quand même, ouais. D'accord, bon, ça marche quand même un peu. Ça marche très très bien. Ok, donc tu finis ton postdoc, tu t'obtiens des articles qui permettent de partir en toute sérénité. Ouais. Et du coup, ça va être quoi la suite de l'histoire? Normalement, une chercheuse, elle finit son postdoc, comment ça se passe? Y a plusieurs options. Moi, celle que j'ai choisie, c'est de monter mon laboratoire. Donc, j'ai commencé par obtenir un financement, et puis un poste en France, et puis ensuite un poste au CNRS. Ça, c'est dans l'ordre dans lequel ça s'est passé, ça peut se passer dans différents ordres, mais c'était le mien. Et puis voilà, maintenant j'ai mon équipe, ma petite équipe au Collège de France. Attends, parce que monter mon laboratoire après la thèse? Non, après le postdoc. Après le postdoc? Mais ça, c'est possible juste après le postdoc, c'est-à-dire après 2 ans, après une thèse, dire je veux monter mon laboratoire. Oui, à mon postdoc, c'était 5 ans. Et parce que du coup, ça veut monter ton laboratoire, ça veut pas dire juste pour toi, justement ce que tu disais, c'est embaucher une équipe derrière, avoir un budget. Oui, etc. Une petite équipe. Hein, pour l'instant, on est 4 et on va être bientôt 5 dans mon labo, donc c'est petit quand même. En te comptant? En me comptant, oui. Ouais, mais ça reste, c'est une petite ça entreprise. Reste une équipe, quoi, ouais. Il faut avoir de l'argent, ouais, c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir mais un financement pour n'importe et qui un poste dans une institution. N'importe qui, il faut que ça ait bien marché, évidemment. Il faut avoir fait une jolie thèse, un joli postdoc, mais je pense que c'est vraiment à la portée de. D'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Je pensais pas du tout qu'on pouvait ouvrir un labo comme ça. Bah en fait, pour moi, ça a été vraiment plus le financement qui a dirigé les choses. Ouais, j'ai commencé sûr. Par obtenir de l'argent, et une fois que j'ai eu de l'argent, c'est vrai qu'on m'a ouvert la porte. C'est de l'argent public que t'as obtenu, c'est le CNRS. Ça s'appelle l'ATIP Avenir, c'est un financement couplé CNRS-INSERM. Et pour les jeunes, du coup, s'il y a Avenir dedans, j'imagine. Pour les plus jeunes, ouais. Ouais. Mais en fait, ma vraie question, c'était Enfin, tu finis ton postdoc, tu veux continuer exactement dans le même sujet? Comment tu montes, comment tu imagines ton sujet d'étude? D'ailleurs, c'était quoi ton... J'ai eu le temps de mûrir ça sur les dernières années de mon postdoc. Je me suis rendu compte que vraiment les questions qui m'intéressaient, encore une fois, c'était la formation des motifs pigmentaires, la contrainte développementale, les populations naturelles. Et puis surtout, j'ai galéré avec les souris pour plein de raisons techniques que je vous passe. Mais du coup, j'ai décidé de continuer à travailler sur les mêmes questions en revenant au modèle organisme de ma thèse, c'est-à-dire l'oiseau. Donc maintenant, je travaille sur les motifs pigmentaires aviaires. Et sur quel oiseau? Alors, il y a le diamant mandarin. C'est un petit passereau australien. Il faut savoir choisir son terrain. Parce que moi, tu m'expliques que tu as galéré avec tes souris qui venaient de Floride, tes souris des champs et tes souris des plages. Et là, tu es en train de me dire qu'avec le mandarin australien, c'est plus pratique. Ouais, mais en fait, je n'ai pas galéré sur le terrain. J'ai galéré d'un point de vue technique parce que, pour la faire courte, le génome n'était pas séquencé. On avait peu d'outils moléculaires, etc. Le diamant mandarin, c'est un oiseau qui est de plus en plus utilisé par les laboratoires pour faire des études de comportement, de neurobiologie, etc. Le génome est séquencé, on a beaucoup d'outils moléculaires, c'est un animal qui se comporte très bien en laboratoire, donc là on a créé une colonie en fait de reproduction au Collège de France. Veut dire que c'est les seuls mandarins qui existent en France? Non, ils sont il y a au Collège de France. Trois labos mandarins en France que je sache. Mais c'est pas une espèce présente de façon normale en France? Il n'y a pas énormément de labos, mais il y en a quelques-uns. Ah non, sinon ici il y a des gens qui en ont chez eux dans leur cage. Ok, donc il faut faire gaffe que ça s'échappe pas, sinon il pourrait se reproduire à tout va. N'importe quel animal exotique. D'accord. Ok, donc tu reprends un autre organisme, tu décides de monter ton futur labo, tu obtiens un financement via le financement dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et entre le postdoc et le labo, ça s'enchaîne direct ou... Non, ça s'enchaîne pas direct. Entre le postdoc et le labo, je décide de prendre 6 mois et je pars voyager. Et je prends mon sac à dos et je fais l'Amérique latine. Voilà. Ça, c'est déjà plus cool. Ouais, et donc c'est ça qui a décidé, mais je te vois venir. C'est ça qui a décidé un peu de la deuxième partie de mon travail, puisque j'ai commencé ce voyage. En fait, je voulais faire la montagne, donc je voulais traverser les Andes du sud au nord. Et puis j'ai commencé par arriver à Ushuaia, donc tout au sud de l'Argentine. Et là, j'ai pris un bateau en départ dernière minute pour l'Antarctique. Donc j'ai passé 2 semaines en Antarctique sur un bateau d'expédition et c'est là que je suis tombée complètement amoureuse de cet endroit et que je me suis dit il faut que je trouve le moyen d'y retourner régulièrement et voilà. Un peu comme la Calypso quoi, ton rêve de... Et alors du coup, moi je m'imagine, c'est déjà une opportunité hallucinante de pouvoir créer son propre labo, d'avoir finalement un financement qui est là sur la table, où on va t'accueillir bras ouverts au Collège de France et puis un truc qui arrive quand même assez peu souvent en biologie, il faut le dire. Et en même temps, je me dis, je veux revenir en Antarctique. Comment tu fais pour goupiller les deux? Comment ça va s'organiser tout ça? Bah en fait, ça a été petit à petit parce que ça fait pas longtemps maintenant que j'ai cette activité de guide. Donc, j'ai d'abord commencé par envoyer des CV, etc., dans des compagnies. Et ça m'a pris 2 ans, en fait, un an et demi pour avoir du retour. Alors, et donc, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de monter mon labo. Enfin, voilà. Question naïve. Est-ce que tu connaissais quelque chose aux animaux de l'Antarctique? À la base, non. Maintenant, oui. À la base, voilà, pas grand-chose. Tu vas quand même au culot. Parce que moi, je m'imagine, tu vois. Arrivons en Antarctique. Faut pas en leur disant. Dire. C'est pas grave, maintenant c'est passé, t'as acquis l'expérience nécessaire. Mais donc, quelque part, il y a quand même... Bon, alors t'es biologiste à la base, t'as fait des études de biologie, t'es capable de trouver les sources là où il le faut, tu sais ensuite te renseigner correctement et puis tu comprends le jargon. En fait, j'avais rencontré un guide quand j'étais en Antarctique sur le bateau qui m'avait expliqué comment ça marchait. Et sur le bateau, les guides sont pas uniquement guides, mais ils sont aussi conférenciers. Donc, ils donnent des conférences scientifiques sur plein de sujets des régions polaires. Et beaucoup sont scientifiques. Donc déjà là j'avais eu un peu la puce à l'oreille, enfin ça m'avait tilté et j'en discutais ensuite avec lui. Il m'a dit mais attends, tu fais de la montagne, tu randonnes tout le temps et puis tu peux prétendre à parler des manchots et tu peux donner des conférences puisque tu le fais tout le temps dans ton métier, donc franchement tu fais la plupart des... Donc j'ai poussé là-dessus en fait. J'ai vraiment poussé le côté conférencier, etc. Et puis, je me suis renseignée un peu sur les manchots avant d'écrire. Et du coup, ça a été rigolo de faire ça, puisque en me renseignant sur les manchots, et ben, finalement, j'ai trouvé des choses sur les motifs pigmentaires, etc. Des manchots qui... Pas uniquement motifs pigmentaires, mais on va dire que c'est lié. Des manchots qui m'intéressent d'un point de vue scientifique. Et maintenant, j'ai créé des projets scientifiques pour mon labo sur les manchots. Donc finalement, ça s'est renvoyé la balle, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Je pensais jamais poser cette question un jour, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les motifs pigmentaires des manchots? Ouais, mais justement, ouais, il faudrait que... Enfin, il n'y a pas que le motif pigmentaire qui m'intéresse. Il y aura un dossier complet à faire. Ouais. c'est tout ce qui est la distribution des appendices cutanés. Donc, il y a la couleur, c'en est une, mais les plumes, les poils, etc., c'en est une autre. Et les manchots ont une distribution des plumes sur le corps qui est complètement différente de n'importe quel autre oiseau, en fait. Chez un oiseau, les plumes ne sont pas distribuées de manière homogène. homogènes. Elles sont sur des espèces de petites lignes sur le corps. Elles sont implantées dans ces endroits-là. Et le reste de la peau est glabre, est nue, en fait. Et chez les manchots, c'est pas le cas. La peau est entièrement couverte de plumes de manière homogène. Mais j'y connais rien. Je suis pas le biologiste du tout de la bande, mais... la grosse différence entre un oiseau et un manchot, c'est que les plumes d'un manchot ne servent pas du tout à voler ou quoi que ce soit, elles servent à le protéger en fait, non ? C'est une des hypothèses, oui, à le protéger contre le foin. Mais on ne sait pas trop, en fait, d'un point de vue évolutif, on ne sait pas trop si... Enfin, qui la poule à pond du l'œuf, j'allais dire, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont perdu l'usage du vol et ensuite la plume s'est adaptée, ou est-ce que la plume a été... Enfin, voilà. Donc bref, ils ont une distribution des plumes qui est complètement différente de celle des autres oiseaux et qui se met en place, cette différence se met en place pendant le développement embryonnaire. Donc on a un exemple d'un animal qui est extrêmement contraint au niveau de son milieu, un milieu extrême, et qui a dépassé des contraintes embryonnaires assez drastiques. Donc j'en reviens à mon thème de recherche principal, quoi. Moi, j'ai des questions vachement plus terre à terre sur la partie « j'ai créé mon labo », parce que je suis hyper curieux de ça. On a eu l'occasion à plusieurs reprises, un peu en parallèle dans Podcast Science, de parler du monde de la recherche, en particulier en France, de comment il est financé, de comment il vit. Et bon, tu as créé ton labo, tu as dit, via un financement. Maintenant, ça fait quelques années qu'il existe, si j'ai bien compris. Ça fait... En fait, il est pour 3 ans, renouvelable 2 ans. Et là, je suis à la fin de la deuxième année. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te poser des questions de financement parce que le financement est, entre guillemets, promis. Si j'en avais pas d'autres que ça, je me poserais sérieusement des questions. Mais depuis, j'en ai obtenu d'autres. D'accord, ok. Donc, tu as quand même une logique de... Enfin, comme une entreprise, en fait, de réfléchir à quel modèle économique de ton laboratoire, vraiment, etc. Ça, c'est une des choses à laquelle je m'attendais pas trop. C'est vrai que la première année et demie, j'ai fait que courir après l'argent, en fait. J'ai monté mon labo, ça a été quelque chose dont ma technicienne s'est beaucoup occupée. Et moi, j'allais donner et des séminaires. Et aujourd'hui, tu as le temps de faire de la recherche encore ? Tu n'es pas devenue une gestionnaire d'entreprise ? Non, aujourd'hui, je fais de la recherche parce que j'ai obtenu des financements qui me laissent tranquille là pour les 5-6 prochaines années. D'accord. On a de l'argent, on est à l'aise et donc du coup là maintenant on fait de la recherche uniquement. Et alors par rapport à tout ce qu'on entend sur la recherche mais qui est plus lié à la recherche en université mais les logiques de publish and perish, or perish, tout ça, enfin est-ce que tu essaies de... Enfin je sais pas, qu'est-ce que tu vois là-dedans ? Est-ce que tu essaies d'avoir une vision du modèle économique de ton labo où finalement ça t'intéresse pas trop, tu es plus à te dire je trouve des subventions comme tu me dis là pour 5 ans et puis j'oublie ? Ou est-ce que tu essaies tu es jeune et de mettre dans ton labo des idées de nouveaux modes de financement de laboratoire et de la recherche publique ? Est-ce que j'essaie de changer le système ? Ouais, enfin, pas changer le système, ce serait peut-être un peu ambitieux, mais juste de dire, j'essaie d'influer un mode de fonctionnement peut-être un peu plus vertueux que le système que peut avoir certaines universités, mais aussi historique. Ouais, c'est vraiment très très compliqué à envisager, à imaginer en fait. D'accord. Pour deux raisons. La première, tout simplement, c'est que j'ai pas le temps d'y penser. De manière un peu égoïste, c'est... Mais c'est peut-être ce qui t'intéresse le plus, par exemple. Oui, il y a ça. Et puis il y a aussi surtout qu'on m'a donné ma chance, on m'a donné de l'argent, et maintenant il faut que je fasse mes preuves, et il faut que je publie, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse de la recherche. Je vais pas passer mon temps à essayer de... Voilà, à changer le système, de faire ce genre de choses. Là, maintenant, ma priorité, c'est... Enfin, j'imagine que peut-être c'est le genre de choses que je pourrais faire quand je serai plus senior, mais pour l'instant, il faut que je fasse mes preuves scientifiques, tout simplement. Et par exemple, quand tu parles d'autres financements, t'as été voir de faire des partenariats avec le privé ou des choses comme ça ? Non, pas du tout. Tous les financements que j'ai, c'est des financements publics. Donc il y a une toute petite partie qui vient du Collège de France, du CNRS et de l'INSERM. Donc comme je le disais, mais sinon, la grosse source de financement que j'ai, moi, dans mon labo, ça s'appelle l'ERC, c'est un financement européen. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a parfois la région, il y a la ville de Paris même. C'est des financements que je n'ai pas, mais il y a plein de possibilités différentes. D'accord. Je dois dire que ce qui m'a agréablement surpris, c'est la facilité d'obtenir un financement quand on est jeune, en fait. Il y a vraiment un gros support pour les juniors en France en ce moment. Parce que j'allais dire, à part le fait d'être jeune, par contre, ton domaine de recherche ne doit pas être parmi les domaines de recherche les plus valorisés Je prétends pas guérir le cancer, donc ouais, c'est ça. Donc guérir le cancer, sûr que... t'es pas dans l'énergie, t'es pas mais dans... maintenant en Europe d'une manière générale on finance quand même assez bien la recherche fondamentale, ce qui est chouette et c'est à noter, c'est super positif, c'est considéré comme de la recherche fondamentale. D'accord. Ouais, moi je viens d'un monde de maths, c'est pour ça que chaque fois que j'entends recherche fondamentale dans le domaine en particulier dès recherche qu'on est fondamentale à des manchots, j'imagine dans le sens où la question n'est pas dirigée, quoi. On cherche pas à guérir une maladie ou à avoir une application technologique, mais la question est quand même Enfin, là, sur les manchots, tu vois, par exemple, tu nous dis ils ont des plumes, on essaie de comprendre. La question est quand même claire. C'est pas. Ah oui, c'est des questions claires. Simplement. C'est pas dirigé, ouais. Pas dirigé, voilà. D'accord. Alors, je sais pas si ça se fait de parler de gros sous dans l'émission, et Marie, si ça. Parce que Marie, elle nous dit depuis tout à l'heure que quand même, voilà, il y a des sous pour la recherche. J'imagine que vous l'imaginez jeune, intelligente et très, très riche. Alors, elle est jeune, elle est intelligente, mais être chercheuse en France, c'est quand même pas la panacée. Parce que quand elle dit qu'elle a des sous, c'est pour financer ses études. Et pas forcément, c'est pas forcément au niveau salarial qu'on parle. Voilà. Donc Marie, elle a fait une thèse, elle a fait 50 post-docs à Harvard. Quand tu reviens en France, alors j'espère que ça te gêne pas. Si ça te gêne, tu le dis. Puis, ça me gêne pas, non, juste de m'énerver. C'est quoi le salaire donc d'une personne qui a 4 personnes sous sa responsabilité en labo et qui a réussi à monter, ouais, à trouver les financements. C'est ça seule. Où tu peux pas. Enfin, son statut est à comparer à un statut d'entrepreneur. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui en fait mangent du pain dur pendant que leurs salariés en fait ont un salaire parce que c'est pas le même statut. Tu me contrediras peut-être, mais quand t'es à créer un laboratoire, il y a des chances que pendant les premières années, tu sois la moins bien lotie de ton labo, quoi. Ouais, c'est mon cas. Ouais, mais après, quand t'as découvert un truc, tu penses qu'il va y avoir retour sur investissement? Peut-être. Et puis il y a la notoriété, puis il y a le plaisir de créer une chose, de diriger les choix. Ok, non, mais projet, je suis d'accord, mais en fait là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein d'autres motivations, mais le fait est que quand elle parlait et tout, c'est vrai qu'on avait l'impression de se dire bah, les sous ne sont pas un problème. Mais il faut se rendre compte que comme un entrepreneur, au départ, ouais, il y a quand même un sacrifice qui est. Ouais, je sais pas trop sur quelle partie répondre, mais. Mais en gros, c'était juste pour me dire en gros, les c'est gens qu'on ont l'image. Sous quand on est un chercheur junior qui commence en France, je suis moins bien payée que les gens de mon laboratoire pour l'instant, et ça va changer. Voilà. Et ça va changer dans les 3-4 ans qui viennent. Mais c'est vrai que les 3-4 premières années sont un peu difficiles. Et c'est pas cool parce que c'est démotivant. Donc en fait, quand on est chercheur en France, on est fonctionnaire. On est payé selon des grilles. On rentre sur ces grilles de salaire. Et même quand tu crées ton labo, t'es sur une grille en fait. Oui, alors en fait, quand j'ai eu ce financement, la TIP à venir, j'étais en CDD à la base. Parce que j'avais pas encore mon poste CNRS. Et là, j'étais plutôt confortablement payée. Et ensuite, ben, on m'a poussée à passer les concours, il faut avoir un poste permanent quand on veut avoir son truc en France. Et donc tu passes les concours et là c'est dur. Les tout premiers mois, ça fait et drôle. Donc en fait, c'est marrant parce que du coup parce que moi je pensais que tu avais un statut un peu particulier ou parce que bon dans le fonctionnement moi que je connais dans le privé, tu as une logique qui est de dire un patron est moins bien loti qu'un salarié parce que c'est un patron. Et du coup, tu as un peu cette logique qui est reproduite dans les grilles qu'ils vous font parce qu'ils font automatiquement des grilles avec des salariés qui sont mieux payés que le patron du labo quoi. Non, parce qu'en fait après donc là, c'est mon cas, mais encore une fois, c'est temporaire parce qu'en fait, mon expérience va être prise en compte. Donc ça, c'est un truc qui est en cours, ça s'appelle la reconstitution de carrière. Donc ça, c'est pris en compte. Et puis après, on a des primes pour encadrer les étudiants, on a des primes. Là, par exemple, un des financements que j'ai obtenu me donne une prime sur le salaire. Donc il y a ce genre de choses qui se rajoutent. Voilà, mais c'est vrai que le salaire de base, le fixe entre guillemets, il est assez nul quoi. quand on pense que j'ai passé pas mal de temps en plus à l'étranger, à dépenser tous mes sous dans les billets d'avion pour retourner voir ma famille, enfin ouais, c'est pas évident en revenant. Et du coup, j'imagine que t'es moins payé que ce que t'es beaucoup moins payé que ce que t'étais en postdoc. C'est un peu la dure loi du genre. Elle était aux États-Unis en postdoc en même temps. Ouais, c'est pareil que moi. Bon, on a tué un peu toute la bruisie du manchot en Antarctique et de l'évolution de l'évo-dévo. Moi, j'étais avec le commandant Cousteau au bord de la Calypso en train de boire du champagne et de regarder la banquise. Et en gros, quand est-ce que tu retournes en Antarctique? Est-ce que tu y vas souvent? Qu'est-ce que tu leur racontes? Juste pour ramener un petit peu de... On s'en fout les sous, c'est pas grave. Ben, on s'en fout les sous parce que, enfin, voilà, je suis pas vénale, mais disons qu'on s'en fout pas. Je pense qu'il faut que les gens disent que les chercheurs sont mal payés et que ce soit dit. Alors, est-ce qu'on peut donner des chiffres juste pour que les gens ouais, comprennent? C'est quoi ton salaire à la fin du mois après autant d'années d'études? J'ai pas encore payé Jean-Jacques l'impôt. Qui pose la question. Attention. J'ai pas encore payé l'impôt, donc je peux pas vous dire avec avant après impôt et c'est sans cette fameuse reconstitution de carrière. Mais là, en ce moment, sur mon salaire, je touche 1 875 € par mois. Ouais, ça fait pas chouille quand même. Donc après la reconstitution, ce sera, je sais pas, on m'a dit 2002, 2003, un truc comme ça. Voilà. Donc, t'as la passion. Ouais, j'ai la passion. Non, mais Du coup, c'est vrai que ben, cette activité de guide, elle me rapporte un petit peu d'argent en plus, la prime, etc. Ça fait plus. Voilà, au début, je me disais, oh, tu sais, tu disais comment tu rends ça compatible, le labo, etc. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé au début de me dire, je monte mon labo et en plus, j'ai une autre activité professionnelle à côté. Et puis, quand j'ai vu mon salaire, j'ai un peu arrêté de culpabiliser. J'ai dit, bon, ok. Et du coup, c'est quand ? Alors, la dernière fois que tu es partie, c'était... Alors, j'en reviens, en fait. J'y étais pendant un mois, de mi-janvier à mi-février. Et voilà, ça faisait depuis 2 ans, bah, depuis que j'étais allée pour la première fois en tant que passagère, que j'étais pas retournée. Donc, je me suis fait engager par une compagnie française qui s'appelle la Compagnie du Ponant au mois de... Quand est-ce que c'était ? On n'a pas le droit de dire les noms. Ah, si, ok. Ce que tu veux, on est... Alors là, tu peux y aller. Hein. Okay. On est pas une vraie radio, hein. On a l'air un peu. C'est vrai qu'on est un du champagne dans un salon d'appartement, enfin dans un appartement, en fait, je dis salon, mais c'est la seule salle. Et donc, ils m'ont formé en Arctique l'été dernier pendant 2 semaines, et là ils m'ont donné l'occasion de repartir en Antarctique, donc je suis partie un mois et ça y est, maintenant je suis formée, je suis guide, conférencière, tout blablabla, et donc maintenant je repars tous les ans en fait. Et est-ce qu'il y a une bonne connexion internet pour faire un épisode de Podcast Science ou pas? Sur, en Antarctique? Ouais. Bah, ouais, le podcast ça va être compliqué quand même, hein. Pour envoyer un mail je me casse les dents, donc mais t'as pas des tarifs préférentiels pour emmener l'équipe de Podcast Science? C'est ce que tout le monde me dit, ou de la place dans la valise ou... Parce qu'après, sinon, une fois qu'on a payé le billet pour y aller, en fait, c'est très facile de faire partie de ton excursion, quoi, c'est ça ? En fait, la manière dont ça marche, il y a 2 manières d'aller en Antarctique. Soit on y va en tant que scientifique. Ouais. On fait de la recherche là-bas. On peut faire de la recherche en maths ou il faut que ça ait un lien avec le... Bah, faut que ça ait un lien avec... Par contre, ils font plein d'astro. Ils ont un télescope là-bas qui fonctionne 6 mois par an. Et tu sais que les satellites d'observation terrestre, ils les étalonnent sur ces zones-là parce que ça fait des grandes images blanches qui sont vachement bien pour étalonner les capteurs. Ouais, il y a beaucoup de ça là-bas. D'accord. Mais il y a aussi un vrai télescope là-bas qui marche, qui marche toute la période d'hiver, 6 mois par an. Le prochain freestyle en Arctique. Moi, ça me plairait d'y aller. C'est à l'université de Nice. Ils sont moi aussi, ça me plairait, carrément. Bon, on va trouver des maths à raconter là-dessus, Nico, t'inquiète. Bon, et donc, tu étais en train de raconter comment ça se passe. Et donc, voilà, la deuxième manière d'y aller, c'est en tant que touriste. Et donc, il faut prendre un bateau, en fait, un bateau de croisière. Ils appellent ça bateau d'expédition, parce que c'est vrai que c'est quand même... pas vraiment des croisières méditerranées, quoi. C'est pas trop tranquille. Et voilà, on passe entre 10 jours et 20 jours sur le bateau. Il n'y a pas de logement en Antarctique. Donc, c'est vraiment des croisières qu'on dort sur le bateau et on sort en Zodiac. Quand tu dis qu'il faut prendre un bateau, c'est-à-dire que c'est nous qui nous débrouillons pour tout et puis juste on te ramène en tant que guide ou quand même vous vous occupez un peu de 2-3 trucs? Ah non, c'est-à-dire comment ça, ce qu'on se débrouille. Tu dis il faut prendre un bateau, c'est pas genre moi je veux venir et puis c'est comme si t'étais touriste sur un bateau de croisière. Ah c'est ça, donc je prends un billet de bateau en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est même, il y a tout dedans quoi, t'as même ton billet d'avion, tout. Faut juste que je pense à mes affaires chaudes un peu. Même pas, parfois on t'en prête. Tout est prévu. et donc voilà, et après les guides sortent les gens en Zodiac. Et donc soit on fait des balades en Zodiac au milieu des icebergs, ou soit on débarque les gens sur le terrain pour qu'ils aillent voir les manchots, les phoques, ce genre de choses, ouais. Se balader un peu. Du coup, tu donnes des conférences sur quoi plus particulièrement ? Eh ben, du coup, c'est marrant parce que j'avais vraiment envie de parler de recherche. Et du coup, je donne des conférences sur l'évolution du développement embryonnaire des animaux en Arctique et en Antarctique. Ok, d'accord. Donc finalement, t'es vraiment une reine pour recroiser les cils. Ouais, c'est vrai que... Et en plus, c'est marrant, les gens, ils aiment bien sur les bateaux parce que je vais leur parler des baleines et pourquoi les embryons de baleines, ils ont des pattes arrière au début et ensuite, ils les perdent. Et comment ça se fait la distribution des plumes dans le mini embryon de manchot et voilà, c'est cool. Et après tu fais la sortie en Zodiac et voilà, et donc sinon ouais, je suis devenue ils m'ont entraînée à être pilote de Zodiac. Ouais, sérieusement, t'es devenue pilote de Zodiac, un troisième truc à rajouter sur ton CV et tu t'es jamais pilote fait peur Zodiac. Donc pour l'instant je suis encore débutante, donc si je me suis fait beaucoup peur. Mon dieu, n'écoutez pas ça ceux qui veulent partir. En tout cas bon, c'est tellement intéressant que je me rends compte que l'heure avance et qu'on s'en rend même pas compte. Je me suis pas encore fait à engueuler par Julie. On a peut-être oublié une question de base. Tu dis que tu es tombée amoureuse de l'Antarctique. Pourquoi en fait ? Parce que c'est fantastique. C'est vraiment... j'ai pas mal voyagé, mais j'ai jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi pur et libre que l'Antarctique. Quoi. C'est des immensités incroyables. Enfin, il y a juste... je cherche les mots, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une faune incroyable. Y a des quand je suis partie, j'espérais voir des manchots et ils sont venus me picorer les pieds. Enfin, c'est vraiment... c'est très vivant au niveau animaux, en fait. En fait, il y a peu de biodiversité, mais il y a une biomasse énorme. énorme. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. On voit des centaines de milliers de manchots, des centaines de phoques, de baleines, des orques. Enfin, c'est constant, constant, constant. Donc ça, et puis des immensités, le vent, les embruns, la mer, la vitesse. Le bruit aussi, non, un peu. Le bruit, ouais. Les icebergs qui cassent, ouais. Les couleurs incroyables, les bleus des icebergs, c'est un truc de fou. Il faut avoir vu un iceberg une fois dans sa vie. Ouais, je trouve ça tellement plus cool que la montre. J'en ai vu en Islande et avec des icebergs qui cassent, le bruit d'un iceberg qui casse, c'est impressionnant. Ouais, tu l'entends au loin, un truc, tu fais qu'est-ce que c'est au début, et puis c'est juste le truc qui se casse au loin. Non, puis on se sent un nain partout. Enfin, y a des... Parfois on est au ras de l'eau et les pics montagneux au-dessus, on sont à 2000, 2005. C'est des glaciers, enfin c'est inimaginable. Et pour Johan, la nuit ? La nuit, bon, on est sur le bateau, on dort. Non, mais je veux bien. Dire les. Ok, elle s'en fout du ciel. Oui, alors la nuit, alors en Antarctique moins, mais en Arctique, la dernière fois que j'y suis allée, c'était beaucoup d'aurores boréales. Et puis des vues de ciel, de cieux, pardon, ouais, franchement, incroyable. Et moi j'ai une question aussi, parce que du coup tu dis qu'il y a une certaine pureté, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait d'emmener des touristes là-bas ? Ah, ça, c'est, non, mais c'est une super question. En fait, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup au début. Et aussi quand je suis partie en tant que passagère. Et maintenant, je suis plutôt avocate de ce genre de tourisme pour l'avoir. Maintenant que ça rapporte de l'argent, pour rapporter de gros sous. Hein. Ah, c'est relou, rapporter tout aux sous là. Moi, ça y est, j'étais dans les aurores boréales et tout. Alors, déjà, c'est un tourisme qui est très limité. C'est un peu triste, mais il est limité par l'argent. C'est-à-dire que c'est extrêmement cher d'y aller. Donc, il y a très peu de gens qui ont les moyens d'y aller. Ça a un côté. Voilà, enfin, c'est triste et discutable, mais en tout cas, il y a peu de gens qui vont en Antarctique, il y a déjà ça. Il n'y a qu'une dizaine de bateaux qui y vont. Et puis, c'est extrêmement régulé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des sites sur lesquels on peut débarquer. On peut débarquer qu'un certain nombre de gens à la fois, dans certaines conditions. On désinfecte tout avant d'arriver. Les règles sont extrêmement strictes, en fait. Bien plus strictes que n'importe quel endroit au monde. Et puis ensuite, l'Antarctique, c'est un endroit qui est immense. Ça fait une fois et demie les États-Unis. Et on visite juste la péninsule et des tout petits bouts de péninsule, donc c'est en fait c'est minuscule la zone visitable de l'Antarctique. D'accord. Par les touristes. Bah du coup, mais je voudrais que tu nous parles encore de l'Antarctique. Moi, je suis partie. Ton plus beau souvenir, ta plus grande frayeur, le touriste le plus relou, le conférencier qui t'a le plus passionné, l'animal que tu préfères. Moi, j'aime les manchots. Franchement, ils me font tellement rire. Ah, les orques ou les baleines ? Ben les orques et les baleines, c'est vraiment. Ben, alors j'en parle quand je viens au meilleur moment, d'accord ? Ok. Ouais, les animaux, j'aime vraiment les manchots, ils me font mourir de rire. En fait, mais j'en pleure de rire à chaque fois à les regarder, surtout quand il y a les petits qui suivent. Ils suivent les mères, ils ont un espèce de comportement qu'on appelle the chase, donc ils chassent vraiment les mères, ils leur courent après, pour se faire nourrir. Et ils se cassent la figure, ils glissent, enfin c'est juste génial, c'est vraiment très drôle. C'est quoi la vie d'une colonie de manchots en fait ? Comment, enfin moi je connais pas du tout la biologie, enfin les manchots en gros ça vit en couple, pas du tout. Comment en fait, ça se passe le développement, comment ça ? Et ça vit en colonie qu'au moment de la reproduction, quand ça vient se reproduire à terre. Et là, dans des colonies de taille variable selon les espèces, mais en général, c'est assez important. Moi, j'en ai vu dès qu'ils font des centaines de milliers d'individus. Et voilà, ils forment des espèces de nids avec des cailloux, des choses comme ça. Ils pondent un à deux œufs, suivant les espèces. Et puis ensuite, le petit naît, ils l'élèvent, ils le font grandir, etc. Ils le nourrissent. Donc la plupart des espèces de manchots, les parents alternent pour aller pêcher et puis y couver ou protéger le petit. Et ensuite, une fois qu'il est assez gros, et ben, tout le monde retourne dans l'eau et il passe le reste de la saison en mer, en fait, à se nourrir et grossir pour la saison d'après. Ça, c'est la plupart des espèces de manchots. Le manchot empereur ayant un comportement un peu décalé, un peu différent, comme vous savez. Et c'est quoi les prédateurs des manchots ? Alors, il y en a beaucoup. La plupart, c'est... Enfin, il y a beaucoup d'oiseaux. Enfin, il y en a beaucoup. La prédation est forte, en fait, mais il y a peu d'espèces. Il y a beaucoup d'oiseaux et puis certaines espèces de phoques, comme le phoque léopard, par exemple. Un phoque léopard, ouais, c'est le prédateur des mers là-bas en Antarctique. Ça a une gueule assez impressionnante. Moi, j'ai des questions pragmatiques de touriste de base. Quand tu y retournes, parce que toi, tu y as été plusieurs fois, du coup. On parle de mon meilleur moment. Hein. Ouais, t'inquiète, je n'oublie pas. Et puis, il y a les orques aussi qui viennent sur la liste. Je me dis, quand tu y retournes plusieurs fois et tout, est-ce que tu commences à connaître le lieu, à dire je reconnais les lieux, à t'y retrouver, ou à chaque fois, ça a complètement changé? Oui, tu... comme je te disais, en fait, on débarque pas n'importe où. C'est très régulé. Ouais, mais ça se ressemble d'année en année. année ou ça... Oui, oui, ça se ressemble d'année en année. Et moi, en tant que guide cette année, j'ai reconnu les sites que j'avais vus en tant que passagère il y a 2 ans. J'en ai vu d'autres aussi, parce que j'en ai... Enfin voilà, on ne va pas toujours aux mêmes endroits. Et dès qu'il y a des opportunités dans des sites, entre guillemets, possibles mais rares, on y va. Mais sinon, oui, tu reconnais d'une année à l'autre. Enfin, les gens qui ont de l'expérience, les guides qui ont de l'expérience, ils savent exactement là où il y a telle crevasse, telle plage, c'est dangereux. Là, il faut faire attention, le glacier vèle, etc. Dans le genre question naïve, mais bon, j'y vais, on est dans podcast science pour ça aussi. C'est que c'est pas que de la glace, en fait. Il y a de la terre dessous. Donc, du coup, les côtes sont gros, globalement les mêmes d'année en année, etc. Oui, c'est ça. Donc, et en fait... les côtes sont les mêmes, par contre la quantité de glace va être différente d'année en année sur la même saison. Sur les années du type réchauffement climatique dont on parle. Je pourrais pas dire parce que moi j'y suis allée que 2 années. J'ai des questions que j'ai posées à mes collègues par contre qui vont depuis très longtemps et ils ont la même réponse que moi. C'est-à-dire que c'est difficile à dire sur 15 ans, 20 ans qu'ils y vont. Ils ont l'impression qu'effectivement, pas qu'il y ait moins de glace mais qu'en tout cas il y a plus de fluctuations. Et j'ai un collègue qui est vraiment spécialiste des manchots qui m'a dit qu'il a l'impression que certaines espèces de manchots migrent un peu plus au sud en fait. Les manchots adélies qui aiment beaucoup la glace ont l'air de se faire remplacer par les manchots papous qui eux sont normalement plus au nord. Donc, mais peut-être, mais tu vois, il n'y a rien de... Ouais, c'est pas... Il n'y a rien de très clair. C'est vrai que c'est des choses qui sont dures à voir à notre échelle. Ouais, puis c'est des observations personnelles qui diffèrent de l'un à l'autre, donc... Il n'y a rien de très scientifique prouvé là-dedans. Quoi. Ok, bon, tu peux aller sur ton meilleur moment, je me tais. Surtout que tout le monde préfère la voix de Billy dans la chatroom. Donc... Le meilleur moment, c'était cette année. En fait, c'est une meilleure journée parce que c'est une journée qui a commencé à 7h du matin avec le capitaine qui appelle tout le monde très tôt le matin. J'en pouvais plus, moi. Il appelle tout le monde à la passerelle parce qu'il y avait des baleines à bosse autour du bateau. Et en fait, les passagers devaient être fatigués, puis ils ne se sont pas trop levés. On s'est retrouvés juste, nous, les guides, à observer les baleines à bosse. Et du coup, on était un peu tranquille et on est descendu à la marina du bateau, c'est-à-dire à l'endroit où le bateau est au niveau de l'eau, avec nos gilets de sauvetage pour observer les baleines. Et elles nous sont passées, elles sont venues en fait juste à l'arrière du bateau. Donc elles sortaient et rentraient dans l'eau, elles sortaient la tête à 5 mètres de nous. Donc c'était vraiment dans le silence du matin, c'était vraiment assez fantastique. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'elles venaient là parce qu'elles se protégeaient d'un troupeau d'orques qui les chassait. et donc au bout d'un moment, elles se sont écartées et ce sont les orques qui sont venus à la marina. Et donc il y a un troupeau d'orques, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'orques qui nous est passé juste devant. Il y en a un qui est passé, mais vraiment j'aurais pu le toucher en fait. C'était vraiment assez extraordinaire. Et ça c'était à 7h du matin. Et la journée a continué comme ça toute la journée. Après on était dans un endroit qui s'appelle Paradise Bay, donc comme son nom l'indique, l'horreur absolue. Enfin un endroit vraiment magnifique. Et puis je mets mon zodiaque à l'eau en dernier. Et donc je suis un petit peu en retard et pour rattraper les autres, je mets les gaz et je passe par un autre endroit pour éviter de la glace et je me retrouve nez à nez avec un petit rorqual qui passe et qui repasse sous mon zodiaque, etc. Enfin, c'était juste génial. Les passagers qui étaient avec moi, ils en pleuraient. C'était incroyable. J'avais jamais vu une baleine d'aussi près. Enfin, j'ai vu les yeux, les fanons, tout ça. Mais là, t'as pas un moment d'angoisse où tu te dis, mais il va nous mettre... Non, on a éteint le moteur du zodiaque et on regardait la baleine passer. C'était vraiment... C'est de la paix, en fait. C'est hyper calme. C'est super chouette. Non, non, on n'a pas peur du tout, parce que elles sont juste là pour se balader, pour se nourrir et tout. Donc, non, il n'y a pas de souci. On est tous en train de consulter sur kayak.com le prix des billets. Ouais, je pense que c'est bon, là. T'as recruté. Je ne sais pas s'il y avait vraiment besoin de recruter. Je réalise, là, pendant ce temps, qu'on a quelques questions d'auditeurs très sympas. Vas-y, Joanne. Oui, je peux aussi poser les questions d'auditeurs, mais sinon je me demandais aussi, tu vas aussi à terre ou tu... Parce que là, tu parles beaucoup de zodiaque et de mer. Mais... On fait les deux, on va en zodiaque pour aller voir les baleines, les icebergs, etc. Mais on va aussi beaucoup à terre, on débarque. Oui, oui. On va voir les colonies de manchots et les gens peuvent aller se promener. Donc on débarque beaucoup sur les plages, forcément. Et puis parfois sur des plaques de banquise dérivantes. D'accord. Alors il y a plusieurs questions, il y en a une qui m'intrigue un peu, c'est quoi la time zone en Antarctique ? Ouais, celle-là est géniale. La Times Web, ça varie de l'endroit où on est en Antarctique, je crois. C'est souvent, mais en fait, ça doit changer hyper souvent. Ceci dit, sur le bateau, on garde toujours la même heure. Et on a celle de l'Argentine. Voilà. Donc, je peux vous dire ça pour la péninsule antarctique. Maintenant, pour le reste, c'est une très bonne question. Non, on avait plein d'autres questions. Alors, le problème, c'est que c'est des questions qui ont été déroulées tout au long de l'émission, tout au long de ce que tu disais. Donc, il y en a qui sont un peu loin. Par exemple, il y a, je ne vais pas te dire le pseudo, il est trop compliqué, mais bon, qui se demandait quelle est la taille d'un embryon de souris. La taille d'un embryon de souris, ça fait la taille de l'ongle du petit doigt au moment de. Juste un petit peu avant de naître. Voilà, vers 15 jours de développement. Mais sinon, la taille varie évidemment tout au long du développement. Quoi. Et on a Boson qui demandait si les grands singes ont de la calvitie. Est-ce que les grands singes ont de la calvitie? Ça doit arriver. Encore une fois, tous les problèmes de perte de poils et puis surtout de perte de la couleur sur les poils, c'est des choses qui sont liées au vieillissement du tissu cutané et de l'appendice cutané et des cellules pigmentaires. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas sur les animaux. Ben, l'homme est un animal qui vit extrêmement vieux en fait, dans son environnement naturel par rapport aux autres espèces. Donc, est-ce que ça arriverait aux grands singes? Peut-être, s'ils vivaient plus vieux. D'accord. Sinon, on avait une question parce que nous sommes en France, donc culinaire. Ça se mange les œufs de pingouin? De pingouin ou de manchot? Je pense que n'importe quel œuf. Mais je pense qu'il voulait dire manchot en fait. N'importe quel œuf non fécondé se mange. Ouais. Donc j'imagine que oui. Ceci dit, pour en avoir ouvert, ça sent un peu la mer quand même. Je suis pas sûre que ce soit très bon. Sinon, on a la question de Rich, qui est de Johan. C'est mieux l'Antarctique ou l'Arctique? Si on est riche, c'est mieux l'Antarctique, puisque c'est plus cher. Et puis quand tu seras allé sur la Lune, on pourra dire, tu préfères la Lune, l'Antarctique ou l'Arctique? Non, mais en fait, c'est vraiment une chouette question, parce que c'est très très différent. L'Arctique, c'est moins grandiose, c'est moins impressionnant. Je trouve ça plus calme aussi, et c'est très intéressant d'un point de vue culturel aussi, puisqu'il y a des populations, on va voir les Inuits, on débarque dans les villages, on rencontre les gens. Ouais, parce que l'Antarctique, il n'y a personne qui vit. Il y a que des scientifiques qui passent l'année. Il n'y a pas d'habitants de l'Antarctique. Tandis que c'est pas un peu au Groenland ou au Svalbard, il y a des habitants. Donc c'est vachement intéressant de rencontrer ces gens-là, de voir comment ils vivent. Donc il y a cette question un petit peu culturelle. Et puis il y a beaucoup plus de biodiversité, beaucoup beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de plantes, beaucoup plus d'oiseaux. On peut voir la toundra qui est assez extraordinaire quand même. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Et puis après, c'est sûr qu'en Antarctique, on peut aller chercher les ours polaires, mais on va galérer. Donc si on veut voir des ours polaires, il faut aller en Arctique. Voilà, après l'Antarctique, c'est grandiose quoi. D'accord. Ah ouais, parce que ces populations-là, en plus, au niveau culturel, moi je suis assez curieux. Bon, je suis convaincu qu'ils ont leur culture locale. On a Anthropodcast dans la chatroom qui a déjà fait des épisodes sur ces cultures-là. Mais au niveau de ces cultures globalisantes, est-ce qu'ils ont connaissance un peu de la culture hors justement de là où ils sont, ou est-ce qu'ils sont vraiment coupés? Ah non, c'est des gens qui vivent de manière moderne, très moderne. Ah ouais, d'accord. Bon, ça m'embête un peu d'en parler parce que c'est vraiment pas ma spécialité, et j'espère que jamais mes collègues m'écouteront, parce qu'il y en a sur les bateaux qui sont vraiment spécialistes de ça. Mais non, mais tu peux juste peut-être parler d'anecdotes de partage que tu as pu avoir. Non, alors il n'y a pas toujours l'eau courante, mais il y a l'électricité. Il n'y a pas le gaz à tous les étages parce qu'il n'y a pas d'étages, mais enfin voilà, c'est c'est des gens qui. Il y a Internet dans les grandes villes, ouais, on peut trouver Internet. Nuuk, quand on arrive à Nuuk, la capitale du Groenland, c'est une petite bourgade moderne, quoi, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans des villages plus reculés, de manière beaucoup plus traditionnelle, j'imagine. Moi, il y a une grosse partie de la population, enfin, j'ai jamais vu. Moi, je suis allée pour l'instant qu'au Groenland, et j'irai au Svalbard cet été. Donc, je connais pas les populations inuites du Canada, je pourrais pas dire comment ça se passe là-bas. Pas de problème. On a Superoxyde, je suis pas sûr de comprendre la question, mais soyons fous. As-tu croisé le fameux manchot voleur de cailloux? Oui, je l'ai croisé. En fait, les trois espèces de manchots qu'on croise dans la péninsule antarctique volent des cailloux. Donc, c'est-à-dire qu'ils construisent. Il n'y a pas d'arbres pour faire des nids. Il n'y a pas de matériel en fait, à part le caillou. Et donc, il y a beaucoup de manchots qui adoptent qui forment des espèces de coupoles comme ça pour y mettre leurs œufs. C'est ça le nid. Et donc, ils volent des cailloux en fait les uns les autres, parce que les cailloux, c'est une denrée assez rare. Il y en a peu. Et donc on voit des oiseaux qui vraiment vont d'un nid à l'autre pour piquer les cailloux et les amener aux autres nids, etc. Et d'ailleurs, il y a une expérience scientifique qui a été faite sur une colonie de manchots qui est assez géniale. Je ne sais pas si ça vous intéresse à cette histoire des cailloux, mais en fait, il y a des scientifiques qui ont peint des petits cailloux en jaune, sous, je ne sais plus quelle couleur d'ailleurs, sur une colonie particulière, qui les ont mis sur seulement quelques nids, et qui ensuite ont observé la répartition des cailloux à la fin de la saison. Et les cailloux sont complètement répartis sur la centaine de milliers de nids de la colonie, quoi. Donc en fait, les oiseaux n'arrêtent pas de se piquer les cailloux les uns les autres. C'est une grande activité en Antarctique. D'accord. Et on a une dernière question, c'est quel était le moment le plus difficile lors des voyages sur la péninsule ? Le plus difficile pour moi ? Ouais, j'imagine. C'est en même temps un de ceux que je préfère, c'est de traverser le passage de Drake. C'est-à-dire que pour aller en Antarctique, il faut faire 2 jours de mer et passer par le sud du Cap Horn, en fait. Ce qui est une des mers les plus dangereuses du monde, en fait. Il y a des creux, quoi. Ça bouge beaucoup. Pourquoi on est obligé de passer par là ? Alors, on n'est pas obligé, on peut partir de Hobart en Australie. Parce qu'on peut partir n'importe où, en fait, pour y aller, j'imagine. Bah, encore une fois, on ne peut pas visiter n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Et donc, les touristes peuvent aller dans certaines zones qui font face à Hobart, mais sinon, la plupart... Et puis, le pôle sud aussi. Et quelques bases scientifiques qui acceptent les touristes, mais sinon, c'est la péninsule antarctique. Donc, on part d'Ushuaïa, en fait. On part du sud de l'Argentine et on traverse le Cap Horn. En fait, sur quels critères et qui est-ce qui détermine quelles sont les zones que peuvent visiter les touristes ou que ne peuvent pas visiter les touristes ? En fait, il y a une charte internationale qui s'appelle IATO, et je ne saurais plus dire ce que veut dire chaque initiale, mais en gros, c'est une charte qui régule les tours opérateurs qui vont en Antarctique. Que tous sont signés, ou quasiment tous sont signés, et qui dit qu'ils vont respecter ces sites, qu'ils vont respecter un certain nombre de personnes par site, etc. Maintenant, tous les tours opérateurs ne la respectent pas, et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de partir avec ces gens qui ne respectent pas la charte IATO. D'accord. Tu nous donneras les adresses conseillées pour si jamais on a des gens qui veulent nous faire des dons pour qu'on puisse y aller faire une émission. Je pense que c'est important. Ah oui, alors on lance un appel de dons ce soir pour faire un freestyle en Antarctique. Mais tout à fait, mais moi, et je fais partie de l'équipe. Ah Robin, tu veux pas aller au CERN mais tu veux aller en Antarctique. Grave, pour modéliser le mouvement des cailloux volés, moi je trouve que ça vaut le coup. Je pense qu'il y a une étude à faire. Ça a déjà été étudié, je pense. Okay. Bah, ça a été fait, ouais. Il y en a qui obtiennent des sous pour le faire. Donc, Marie, je crois que tu vas être obligée de revenir hein, parce qu'on a envie d'en avoir, savoir encore plus. Mais il faut peut-être, c'est la grande prêtresse qui décide, hein, mais il va peut-être falloir qu'on passe à la suite de l'émission. On va devoir enchaîner, mais ouais, Marie, faudra que tu reviennes. Ouais, voilà. Ça va, je reviendrai. Bon, du coup, on va parler de choses beaucoup plus pragmatiques vu qu'on va faire les retours des émissions précédentes, mais tu peux intervenir quand tu veux. Et merci Billy. Hein. Ouais, merci beaucoup. Ouais, de rien, moi j'ai rien fait, j'ai juste chopé la bonne personne au bon moment. Ah oui, moi j'avais une dernière question à Marie. T'écoutes quoi quand tu pars en Antarctique dans ton iPod ? Du punk et du hip-hop américain. Voilà, donc vous regardez les photos avec du punk et du hip-hop américain, s'il vous plaît, pour bien vous mettre dans l'ambiance. Ok, bon, on passe au retour des émissions suivantes alors. Julie, la parole est à toi. Robin, t'as pas un petit point à nous dire sur ta rubrique ? Ma rubrique, voilà. Donc, j'ai commis l'erreur de prendre un week-end où vraiment je me suis dit tiens, je suis en week-end. On m'a proposé plein de trucs, j'ai pas dit non. Donc, j'ai pas fait ma rubrique. Je peux donc juste dire que je c'est peux, pour je la peux prochaine passer fois. Commande. Oh non, mais là, je vais dire un truc. Je refile le bébé en fait. Oh. C'est en l'occurrence, c'est très adapté. J'ai même pas fait exprès. Tu mais, enfiles boson. Il y a non. Enfin si, de temps en temps, je veux bien pour une soirée. Ouais. À moi. peut-être pas à toi pour connaître. J'ai 2-3 expériences à tester. Mais non, ça serait plutôt tiens, je passe commande au biologiste et au spécialiste d'histoire de l'équipe pour parler de toutes les théories de la formation des bébés, de la fécondation, que je trouve très très très sympa, très agréable, très très marrant, avec notamment les théories de le bébé est déjà dans le spermato en tout miniature, des trucs comme ça, ou de ah oui, donc tu veux de l'histoire de les sciences sur les animalcules et ce genre de trucs. Ouais, comme... non mais il y a des théories hyper drôles. Il y a des théories hyper drôles avec le coup du la femme c'est que la matière et puis l'homme il apporte la vie. Ça me fait pas trop rire moi ce genre de blague, tu vois. Bizarrement. je trouve ça drôle le coup d'imaginer que la femme c'est que la matière. Robin nous raconte, en fait on va pouvoir faire une rubrique à chaque freestyle où il raconte comment traumatiser son gosse, parce qu'à la dernière fois il nous racontait comment le traumatiser avec le jeu où tu sais où tu dois mettre un carré dans le carré, et etc. Quoi. En disant bah non, moi je mets le cylindre dedans, ça rentre. Carrément. Non mais voilà, non mais il y a plein de trucs et donc je sais qu'il y a des histoires du style si ça vient du testicule gauche ça sera un garçon, si ça... non une fille et si ça vient du testicule droit ça sera un garçon. Non, mais enfin il y a tout un tas de trucs très très marrants à raconter. Voilà. Non, j'étais en train de me dire que je connais quelqu'un qui a qu'un seul testicule, il a fait que des filles, c'était vrai. Billy, je pense que tu peux nous faire un sujet là-dessus. En fait, c'est pas, je lui ai demandé s'il veut pas être mon modèle d'étude. C'est une parfaite transition en tout cas. Je vais peut-être découper l'épisode en deux en fait. Un très de ratage parce que ça a duré pendant très longtemps toutes les théories plus ou moins farfelues et puis bon voilà j'ai pas du tout pris le temps de creuser. Je me souviens juste qu'il y a plein de trucs marrants sur le sujet donc je dis aux gens que ça amuse renseignez-vous et puis je dis à Billy et autres que si ça vous intéresse de faire un truc sur le sujet je pense que ça peut être assez marrant. Et donc on a lancé une page de soutien pour que Boson ait une éducation à peu près décente. Vous pouvez donner de l'argent pour que on lui paye une éducation décente. Heureusement elle a une mère. Je ne sais pas si c'est rassurant, enfin bref vous la connaissez mal. tu peux pas taper sur quelqu'un qui est pas là. Bon, on passe au retour sur les émissions précédentes parce qu'on en a quand même un petit paquet. Ça marche. Alors, on commence par un message de bonjour sur les nombres complexes. Alors, bonjour, bonjour. Qui nous dit bonjour? Vous me devez une aspirine. Je comprends pas très bien son message, mais bon. Maths inventée ou découverte? Je suis assez d'accord avec Robin pour dire qu'il n'y a aucune raison pour que l'univers soit gouverné par les maths. Même si cela ressemble plutôt à un acte de foi, je n'en ai aucune preuve, juste une conviction. Sans esprit, pas de maths. En ce qui concerne que I au carré est égal à moins 1, je ne pense pas que ce soit une découverte, ni même une invention, juste le fait de redire ce qu'on connaissait déjà, les rotations. Même si on n'a pas fait le lien. Au passage, Euclide a peut-être inventé toutes les maths, qui existent potentiellement dès qu'on donne une méthode, charge à nous de découvrir ce qui a été créé à ce moment-là. 3 points de suspension. C'est idiot ce que je dis, ou pas? Merci de m'inspirer de telles pensées. Bonjour. Un bonjour, ça doit être... Au passage, nom, je n'ai pas réussi... C'est son nom, ouais. Au passage, je n'ai pas réussi à publier sous mon pseudo Bonjour, je le ferai en tant qu'invité. Merci encore. Bon, on va pas s'étendre parce que là, on rentre dans du philosophique. Juste peut-être une remarque, c'est que sur ce qu'il dit, qui est, c'est juste le fait de redire ce qu'on connaissait déjà, c'est vrai. C'est pas stupide du tout, mais en fait, en maths en tout cas, et je pense dans plein de sciences, il y a plein de grandes découvertes scientifiques qui sont que redire d'une manière beaucoup plus efficace ce qu'on connaissait déjà, quoi. C'est clair que le terme de Pythagore, quand il est en dimension n, ça a quand même un peu plus de gueule. J'aurais pas choisi cet exemple. Je comprends rien, c'est horrible. Quand j'écoute des mathématiciens, j'ai toujours l'impression de lire, vous savez, les petits mots fous que me laisse le mec qui vient de sortir d'internement et qui me parle de la Bible et de la résurrection. C'est exactement ça, ce que quand vous lisez les courriers de mathématiciens ou même les rubriques de mathématiciens. Non, c'est vrai, je suis désolée. Bon, on va passer à la suite, parce qu'il y a Billy, alors on peut pas parler de maths. Ok, la suite. Allez, on a reçu une question de Maxime sur l'interview du professeur Sélos. Et alors, donc Pierre a commenté en interne, je crois qu'il n'avait pas trop de réponses. Bonjour, ce sujet est vraiment passionnant. J'ai eu cependant un blocage quand vous avez dit que les modifications épigénétiques n'étaient pas héritables à long terme. J'ai suivi un cours récemment où l'on abordait ce sujet justement. Si je ne me trompe pas, des modifications épigénétiques peuvent avoir lieu dans les cellules germinales et ces modifications peuvent donc être transmises à la descendance. J'ai en tête une persistance transgénérationnelle de ces modifications épigénétiques qui pouvait aller jusqu'à 40 générations. Les exemples les plus probants étaient chez les Cyanorhabditis elegans et les Drosophila melanogaster. Quand bien même ce ne soit que sur une dizaine de générations, je me demandais si les mécanismes d'héritabilité génétique et épigénétique ne pouvaient pas interagir. Si c'est le cas, est-ce que ça montrerait que l'épigénétique tient bien un rôle dans l'évolution? J'espère que mes questions ne sont pas trop naïves et merci pour la diversité de vos sujets. Je trouve pas que les questions soient particulièrement naïves. Ah ouais, non, les questions elles sont carrément pas naïves. Je crois qu'elles ont été, on les a fait suivre, mais qu'on n'a pas eu de réponse pour l'instant. Je l'avais pas vu passer. Le seul truc dont je me rappelle sur l'épigénétique et qui est héritable, c'est notamment l'expérience célèbre sur le stress des souris. Quand on stresse des souris, on sait que le stress peut réapparaître à la génération suivante ou à la génération encore suivante. Après, sur 40 générations chez des mammifères, je sais pas trop, mais toi peut-être Marie, ce qui concerne l'épigénétique et vos dévots. L'épisode qu'on a fait avec le professeur Sélos, c'était sur l'hybridation et sur grosso modo, enfin du point de vue c'était un extérieur à la bio, c'était d'expliquer que l'évolution, c'est vachement plus compliqué que juste les gènes et compagnie, quoi. Ouais, bah c'est ce... Enfin, vraiment, là, on sort complètement de mon domaine, quoi. Donc, j'en sais pas grand-chose, mais il parle d'expériences qui ont été faites chez la mouche et chez le ver, là, c'est Norabitis. J'en sais rien, faudrait regarder, mais j'imagine que... qu'effectivement, enfin, on sait maintenant qu'effectivement, il y a une héritabilité de certains caractères épigénétiques, ouais. Mais sur 40 générations, ça, j'en sais rien. Il faudrait lire les papiers. Ouais. Moi, je ne sais pas trop mon domaine non plus, mais j'imagine que l'épigénétique, c'est quand même une science relativement nouvelle. Et disent, c'est pas nos domaines. Pas non, non, mais l'épigénétique, c'est assez récent, c'est pour ça que... C'est récent, et je pense qu'on ne sait pas encore. Je pense qu'effectivement, il y a un impact sur la descendance, mais est-ce qu'on parlait d'évolution ? Je pense que c'est une autre question, en fait. Hein. Je pense surtout ça. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas, mais il faudra retrouver les expériences historiques. Mais c'est vrai que faire un dossier sur l'épigénétique, ça pourrait être vraiment pas mal, parce que c'est vraiment un truc où on apprend beaucoup de choses et où ça nous permet de mettre un peu de l'eau dans notre vin sur le tout gène et tout prédestiné. Ça te tente, Billy? Ouais, mais ce sera plutôt dans longtemps, genre en octobre, novembre de l'année prochaine quand je serai au fin fond de la Belgique. Donc ça tombe très bien. On va prendre une date après l'émission, Billy. Ok, j'ai peur. Super. Bon, on enchaîne avec un message qu'on a reçu d'Aline sur le dossier qu'a présenté entre autres Nico à Lyon Science. Ouais, j'ai honte de ne pas avoir répondu. Eh ben, tu pourras répondre en live. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas, qui n'ont pas encore écouté, c'était un dossier qui était intitulé Amour mathématique. Bonsoir à toute l'équipe de Podcast Science. J'ai enfin pu écouter l'épisode tant attendu de Lyon Science. Je ne peux pas vous suivre en direct et c'est vraiment dommage. J'ai adoré tous les sujets présentés comme d'habitude, sauf que normalement, les sujets sur les maths m'ennuient au plus haut point car j'y pige rien. J'avoue que j'essaie plus de comprendre au bout de 3 phrases. Alors si je prends la peine d'écrire, je déteste écrire, c'est pour souligner que j'étais morte de rire tout le long de la présentation de Nicotube. J'ai adoré ce sujet de maths et la citation qui va avec. Je profite de ce message pour vous dire que j'ai adoré aussi la 200e, très fun, très rythmée. J'ai zappé les nombres complexes, les entiers positifs me posent suffisamment de problèmes. L'épisode sur les maladies mentales était super intéressant, mais j'aurais vraiment aimé 2 heures de plus sur le sujet, c'est tellement vaste et encore mystérieux. Les épisodes sur les lasers, celui sur les trous noirs et aussi celui sur le réchauffement climatique m'ont appris plein de choses que je suis incapable de vous citer. C'est Jean-Pierre Luminet, je crois, qui dit qu'il faut entendre 3 fois la même information dans l'heure pour la retenir. Enfin bref, je vais pas citer tous les épisodes que j'ai tous écoutés d'ailleurs. Vous êtes vraiment une équipe super, j'en ai jamais assez. Je souhaite donc longue vie à Podcast Science et que servir de la science soit votre plaisir. Aline. Alors moi, je dois dire que j'avais eu très peur en regardant le titre de son message, mais après, en regardant le contenu, je trouve ça vraiment très cool, mais je soupçonne quand même Nicotube d'en être l'auteur. Absolument pas, j'ai cru. Non, ça peut pas être lui, parce qu'il y a une erreur logique là-dedans. Je veux dire, il y a quelqu'un qui dit « je n'écoute aucun sujet de maths » et qui dit « j'écoute tous les épisodes ». Non, mais mon épisode sur l'amour mathématique était particulier. Mais par contre, je suis un peu déçu qu'elle ait rigolé sur mes stratégies pour trouver l'amour via des méthodes modèles mathématiques, quoi. Enfin bon, dire j'écoute aucun épisode mathématique, je les écoute tous. Il y a une contradiction qui fait que ça et peut pas être un moteux qui écrit ça. T'as pas écouté Lyon Science, Billy ? Bientôt. Je vois, même mentalité. Bon, on va revenir rapidement sur l'épisode avec Nima sur le réchauffement climatique. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était posé quelques questions. Quand Nima nous disait qu'on pouvait identifier le carbone dans l'atmosphère, qu'on savait qu'il était d'origine anthropique, mais on n'avait pas trop su justifier ça au moment de l'émission. Et donc, suite à une question de Gaudry, il y a Nima qui a apporté quelques précisions. Bonjour Gaudry, et pardon de la réponse tardive. Je viens juste, à vrai dire, de voir ce message. Donc, mea culpa sur cette section de l'interview, j'aurais dû mieux m'y préparer, ou bien ne pas en parler du tout. Je ne suis pas sûr qu'on ait suggéré que la combustion changeait la nature des isotopes en présence... mais je n'ose réécouter la séquence. Bref, de ce que je peux comprendre, le ratio C13-C12 dans les plantes est inférieur à celui qui est observé dans l'atmosphère, et l'une des raisons est que le C12 est préféré par les plantes, préféré entre guillemets. Cela se joue apparemment sur les réactions chimiques qui se produisent dans la plante. Du coup, quand on brûle via déforestation ou via la consommation des produits pétroliers, c'est principalement du C12 qu'on libère et le ratio C13/C12 diminue. Quand on compare avec l'historique de ce ratio dans le temps, via les carottes glaciaires par exemple ou autre méthode, on constate que depuis l'âge industriel, ce ratio diminue alors que le carbone augmente en totalité. Cela confirme donc l'origine anthropique de cette augmentation. J'espère être plus clair, ça mérite un post de blog tout ça, et puis il donne une source qu'on mettra dans les notes de l'émission. et qui sont dans, surtout dans les commentaires de l'article en question. Exactement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sur le réchauffement climatique, je vais citer tous les biologiques de Podcast Science. Je ne suis pas vraiment un spécialiste du sujet, mais... Mais quoi ? Mais c'est tout. Allez, on enchaîne alors avec un commentaire de notre ami Fred sur l'excellent dossier de Joanne sur Feynman. Il manque juste une petite chose dans ce superbe dossier, le lien vers le site de Microsoft Research qui propose toutes les vidéos des fameuses lectures de Richard. Moi, ça me fait un peu mal parce que je ne suis pas une fan de Microsoft, de leur donner faire de la pub, mais bon, tant pis. Ouais, donc, mais là, c'est très particulier, c'est parce que je crois qu'ils ont payé pour que les lectures de Richard Feynman soient gratuites et accessibles à tout le monde, donc ça vaut quand même d'en parler. Je suis un peu d'accord avec Irène, c'est le genre de truc que Google fait tout le temps, sauf que Microsoft, ils ont vachement fait de pub, et en plus, ils ont fait ça de manière merdique, il faut installer un machin sur son ordi, c'est pas du tout accessible. C'est pas sympa, là, on parle juste de pouvoir accéder aux lectures de Feynman, après, bon, bah, c'est pas accessible, tout ça, oublie que c'est Microsoft, ça a des études. Le mot anglais, c'est conférence, non, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Non, mais je tiens juste à, parce que bon, je pense qu'il y en a d'autres qui sont pas trop complètement bilingues. T'as qu'à le tweeter avec le mot dièse. Excusez-moi, on a dit qu'on était un podcast francophone ou... Tout à fait. Bon, bref, néanmoins, le site internet est donc http... Attends, t'as pas la version complète, donc on les mettra à la de l'émission. Je l'ai déjà mis à la fin du dossier, j'ai corrigé après. Voilà, le commentaire. Donc allez voir le dossier ou les notes de l'émission, parce que... Il y a celui-là qui précise que c'est sous-titré, en français. Donc voilà, t'as pas d'excuse, Robin, pour pas les regarder. Ok, bah justement, Robin, on enchaîne avec une question que Xavier a posée sur Twitter. Et donc, tu n'as pas encore eu l'occasion de tweeter ta réponse. Donc, on va te poser la question maintenant. @3615 Robin, quid des jeux à plus de 2 joueurs, sans hasard et sans truc caché ? Eh ben, je trouve que c'est une excellente question et je n'ai pas du tout pris le temps de me renseigner dessus. Je pense qu'on en arrive à un truc où... où on ne peut plus avoir de stratégie gagnante parce qu'il y a une forme de truc caché qui intervient, mais j'en suis absolument pas certain. J'ai jamais jusque-là de mémoire lu de trucs sur le sujet et je trouve que le sujet est super intéressant et j'ai envie de trouver quelque chose, mais j'ai absolument aucune idée là comme ça. Pour ton prochain dossier alors ? Sur ce sujet, donc pour résumer, pour Billy, enfin peut-être pour Billy et surtout pour Marie, donc Robin a fait un dossier où il expliquait que grosso modo ça servait à rien de jouer à 2 joueurs parce qu'il y avait toujours une stratégie où il suffisait juste de savoir qui était le premier et le deuxième joueur et en fonction de ça on savait qui allait gagner d'avance. Et pourquoi j'en viens à te parler, c'est surtout en partant autant de jours, vous aimez des jeux, non ? Ou pas ? Oui, il y a des jeux, ouais. Ah, je pose des questions du coup pour revenir vers les manchots après. Mais est-ce qu'il y a de l'alcool ? Il y a beaucoup d'alcool. Mais moins que ce soir apparemment. Pour les passagers bien sûr. Ah oui, bien sûr. Une question de Maël Villian. Bonjour, je dis peut-être une connerie, mais pour le pierre-feuille-ciseau à 4 symboles, il suffit de faire un cercle, que dans le sens trigo il perde, le sens horaire il gagne, et que les opposés fassent match nul, comme lorsque l'on fait le même symbole pour équilibrer le jeu et l'étudier, non ? Oui, alors ça, je lui ai répondu, effectivement. Donc, je résume juste en 30 secondes pour les gens qui n'ont pas écouté. L'idée, c'est de dire pierre, feuille, ciseau. Chacun gagne contre un symbole et chacun perd contre un symbole, c'est équilibré. Et quand on introduit un quatrième symbole, genre le puits, c'est pourri parce qu'il y a des symboles plus forts que d'autres. Et donc, ce que je disais, c'était que, en fait, pour avoir un jeu où tout est équilibré, de toute façon, il est nécessaire d'avoir un nombre impair de symboles parce qu'il faut gagner autant de fois qu'on ne perd. Et donc, évidemment, j'ai pas précisé que si on a droit au match nul, enfin si on fait des matchs nuls en dehors du cas où c'est le même symbole face à face, bien sûr qu'on peut équilibrer le jeu, mais c'est un peu nul de rajouter des matchs nuls, quoi. Enfin, à mon goût. Parce que voilà. Pour toi, ce qui n'est pas nul, c'est de savoir à l'avance qui va gagner dès le premier tour. Ok, je vois. Juste en train de définir les termes, tout va bien. Bon, j'ai retrouvé mon lien entre-temps. Donc, il y a le Washington Post qui a fait ces jours un super article sur plein de stratégies prouvées comme étant des stratégies gagnantes sur 14 jeux, je crois. Cet article est assez intéressant parce qu'ils n'inventent rien, mais ils ont rassemblé au même endroit plein de trucs qui avaient été publiés sur Internet sur le sujet et qui sont assez rigolos. Entre autres, des trucs qu'LJJ avait publiés sur le Monopoly, c'est-à-dire quelle couleur acheter pour gagner, ou sur le Morpion, sur comment gagner de manière sûre au Morpion, enfin, etc. On peut pas. Je vous raconte pas la tête de Billy et Marie, là. Moi, je me dis juste, rappelle-toi de ne jamais jouer avec un mathématicien. On a eu un retour sur le freestyle précédent. sur la rubrique fail de Robin. Décidément, Robin, c'est tout pour toi ce soir. Et donc, c'est un message de Sarah Stern qui nous dit « Salut, un petit mot rapide à propos de la rubrique fail de Robin et l'histoire du métro pneumatique sous New York. Apparemment, l'idée revient au goût du jour avec Hyperloop, actuellement en développement aux États-Unis. On doit ce projet à Elon Musk. » Elon Musk. Déjà à l'origine. Non, mais tu vas pas faire semblant de pas connaître Elon Musk. Déjà à l'origine, entre autres, de PayPal et des voitures électriques tristes. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça. Et Hyperloop, c'est pas rien du tout. C'est pour ceux qui connaissent Futurama, le but est de se déplacer comme dans Futurama, dans des tubes. Eh ben, pour les retours sur les émissions, on a terminé. On va enchaîner avec des messages d'auditeurs. Donc, on commence par une proposition de Marc, un de nos généreux donateurs, qui nous Merci, dit... Marc. Bonjour, j'aimerais savoir si vous seriez intéressé par un dossier sur les effets biologiques des ondes magnétiques à un seuil non thermique, dans le domaine des micro-ondes, bien sûr. Si ce sujet a déjà été traité, je n'en ai pas souvenir, je peux essayer de rédiger quelque chose pour 16 heures. Le jour restant à définir, bien évidemment. Merci pour ce podcast, Cordelin Marc. Bah, je crois que c'est simple, le jour c'est demain. Bah, on va dire le jour où tu le diffuses, quoi, le lendemain. Je ne suis pas sûr que Marc soit dans la chatroom. Ouais, c'est ça, le lendemain de quand il l'entend. Voilà. Je lui avais donné 15 jours, mais bon, si tu dis demain... Ouais, il sera diffusé de toute façon dans une semaine, donc ça va. On continue avec Arnaud. Bonjour, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre travail sur ce podcast. Les explications sont claires et les sujets variés. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je suis un jeune ingénieur bioinformaticien au laboratoire de sécurité des aliments, ANS. J'ai beaucoup apprécié votre podcast qui portait sur l'histoire du séquençage, mon domaine d'activité, même si je n'ai appris que peu de choses. J'ai pu par la suite le conseiller à mes collègues biologistes qui se tournent de plus en plus vers ces technologies. Si vous le souhaitez, je propose mon aide pour vos futurs podcasts. Ma spécialité scientifique très large et à la pointe de la technologie m'apporte de fortes connaissances en biologie, génétique, biologie évolutive, microbiologie, mais aussi en informatique, programmation, big data, algorithmique et statistique. J'ai aussi pour mission l'animation scientifique. Il n'y a jamais assez de biologistes. Non, mais surtout, il fait aussi l'algorithmique statistique, je veux dire. Hein, mais ça, surtout, ça il fait aussi de l'informatique, le truc qui n'existe pas dans l'équipe, quoi. Si on a parlé des algorithmes de tri en danse traditionnelle des pays de l'Est. J'ai aussi pour mission l'animation scientifique au sein de l'ANS, ainsi qu'à travers plusieurs conférences. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me solliciter si vous le désirez. Au plaisir de vous écouter, Arnaud. Bon, ben demain 16h alors. Ouais, c'est ça. Demain 16h, ben, envoie-nous un exemple de dossier qu'on essaie de programmer au moins une première émission pour voir comment ça se passe, quoi. En tout cas, je pense que tu peux peut-être réconcilier le clan bio et le clan maths en faisant des biostats. Et en plus, c'est super compliqué, donc on aura besoin d'aide sur ce coup-là. On a ensuite Erwan qui nous a signalé une nouvelle apparition de Robin dans une revue. Bonjour, peut-être ai-je loupé la dernière annonce, mais fans de Science et Vie, qui vois-je aux côtés de Monsieur Bonaldi ? Je vois que Monsieur Jamais se paye du bon temps. En ayant fait une moi-même, je ne saurais lui en vouloir. Voilà ce que cela de faire un podcast à succès, ou serait-ce plutôt ses publications, car je n'en vois aucune autre du podcast. Bon voyage à Robin et bon podcast à tous. En attendant le prochain numéro, que la science soit avec vous. Tu connais Bonaldi, Robin ? Alors, non, je ne connais pas Bonaldi. Tu peux rappeler Bonaldi dans un freestyle ? On verra. Vous voulez que je vous explique ou on s'en fout ? Ouais, bah non. ton seul challenge, c'est d'être plus intéressant que les manchots et les aurores boréales. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu compliqué, surtout que ça concerne ma vie, donc vous n'avez absolument rien à secouer, quoi. Non, c'est juste, on m'a proposé et j'ai dit oui de participer. Ça me fait rire moi-même quand j'en parle, mais c'est pas grave. De participer à une croisière sur la Méditerranée, une croisière sans vie. En gros, c'est un truc. Normal sur les gros bateaux de voyage sur la Méditerranée où les gens normalement juste ils vont sur la piscine et ils débarquent et ils visitent une ville en 2 heures et ils repartent. Donc a priori j'aurais jamais fait un truc pareil, mais là le truc c'est que c'est une croisière sans vide, donc en plus de faire ça ils ont des conférences de science les gens. Et donc je vais faire le voyage et j'avoue que bon oui d'accord il y a Bonaldi et il y a aussi Pascal Pic. Et donc ça me dit bien de discuter avec lui. Attends, je comprends pas trop le principe. En gros, ça va être quand même relié au thème de la mer et aux endroits où vous allez vous arrêter ou ça pourrait se dérouler dans n'importe quelle salle de conférence ? Dans n'importe quelle salle de conférence, ça serait pareil. C'est juste les gens, ils sont en vacances et ils ont des conférences scientifiques un peu tous les jours. Mais ça se trouve, c'est la même compagnie pour laquelle je travaille ? Non, c'est en Méditerranée. Mais ils font de la Méditerranée aussi ? Il y en a beaucoup, hein ? Il y a pas mal de compagnies qui font ça. En tout cas, a priori, c'est une compagnie de bateaux qui ne le fait pas. Les voyages, après, ils ne le font pas. Et c'est un type qui a relié les bateaux et Science et Vie. et qui a dit... Mais il n'y a pas mal... Donc tu vas être enfermé dans un bateau avec Jérôme Boldandi et Pascal Pic. Et voilà. L'interview de Boldandi. Et par ailleurs, ce qui est plutôt cool, c'est que voilà, pendant une semaine, du coup, en fait, je suis en vacances et tout frais payé. Et en plus, je suis payé. Et en plus, je peux emmener femme et enfant. Et tu peux pas amener tes potes aussi. Et t'as combien de femmes officiellement? Et t'as combien de gosses officiellement aussi? Une de chaque. Ok. Voilà, donc il y a des annonces effectivement dans Sciences et Vie et dans Sciences et Vie Junior. Ok. Non, mais il paraît que c'est super bien ce truc. Il y a Geographic National qui l'est fait aussi et il paraît que c'est fantastique hein, ce genre de croisière. C'est bah, du écoute, super bon niveau. En fait. Bah, je sais pas parce que là c'est moi qui vais faire la con. Donc, je sais pas si on peut dire que ça va être un super bon niveau. Mais... Robin Jamais et Jérôme Bonaldi. Et Pascal Tic. C'est Robin Jamais qui va avoir préparé la conf et Bonaldi qui va faire les démos. Ça devrait être pas mal. On enchaîne. On a encore une question pour les matheux de Veltz. Zut, c'est une biologiste encore qui doit poser ça. Bon, enfin bref. De toute façon, c'est une biologiste ou un matheux, alors... C'est vrai. Bonjour, je cherche un peu partout des vulgarisations expliquant simplement, entre guillemets, les différences et les liens, entre parenthèses, entre fonction et algorithme. Bernard Chazelle, dans une conférence, avait expliqué les grandes lignes. Un algorithme est une séquence d'étapes déroulées dans le temps. Par exemple, un algorithme naturel décrivant un banc de poissons avec propagation de proche en proche, etc. Ce comportement n'est pas réductible à une fonction. Fermez la parenthèse. Une fonction, quant à elle, par exemple analytique, permet en particulier de retrouver un état à n'importe quel moment dans le temps, alors que l'algorithme doit, lui, être déroulé. Je cherche dans Google et Wikipédia en vain. Sans doute n'ai-je pas les bons mots-clés. Si vous connaissiez des références documentaires, très cordialement. Robin, c'est pour toi, ça. Alors moi, je suis embêté parce que j'aurais dit le contraire de ce qui décrit le monsieur. Moi, j'aurais dit... Alors, comme disent les mathématiciens, je ne suis pas spécialiste, mais je vais quand même répondre à cette question. Non, mais c'est assez curieux. Je vois pas en quoi on peut confondre les deux. C'est, pour moi, c'est deux choses très différentes. Mais... Pour moi, ce que j'aurais dit, mais ce qui contredit ce qu'il a vu, donc ça va pas l'aider, c'est que j'aurais dit qu'un algorithme, c'est qu'un algorithme, c'est un exemple particulier de fonction, et qu'une fonction, ça peut être plein d'autres choses qu'un algorithme, mais... Mais ça contredit un peu ce qui a été dit. Marie acquiesce, je suis curieuse. Marie, tu nous trahis, tu connais en maths. Après, des documentaires sur les fonctions et les algorithmes, j'avoue que j'en ai pas dit. Mon étudiant en thèse est matheux. Non, mais je pense qu'en fait, là où il a du mal à trouver une différence ou une explication de différence entre les deux, c'est en tout cas deux choses qui ne sont pas vraiment utilisées dans les mêmes contextes. Moi, j'aurais vraiment du mal à avoir des liens, en fait, plutôt. Je trouve que c'est très compliqué de faire des liens. Mais non, t'as des liens, t'as des choses qu'on appelle des fonctions en informatique qui sont des algorithmes, et inversement, le truc, c'est que c'est pas d'utiliser dans les mêmes contextes. On parle plus d'un algorithme quand on est en train de faire de l'informatique de près ou de loin, et des fonctions, on va en parler en informatique, mais avec un vocabulaire qui est pas exactement le même que celui des maths, et sinon, on va pas en parler dans un contexte d'algorithme. Ah, non, mais voilà, non, mais si c'est les fonctions informatiques, moi aussi, je sais pas, hein. Bon, hey, t'as fait un numéro sur l'algorithmique, il écoute le numéro sur l'algorithmique, et puis on fait bientôt une émission sur les fonctions. Voilà, c'est toi qui dois la faire pendant 2 semaines. Bisous. Dans 2 semaines? J'ai jamais dit que je faisais un épisode dans 2 semaines, je croyais que le planning était plein, moi je comprends rien. On passe à une question sur les effets de la Lune de Bastien. Alors il nous dit « Salut, merci beaucoup d'avoir traité ma question sur l'apparition de la vie dans votre dernier freestyle, c'était très intéressant. J'aurais une autre question, quels sont les effets de la Lune? La gravité, la lumière qu'elle réfléchit, j'imagine. Elle est capable de stabiliser l'axe nord-sud de la Terre, de créer des marées, mais qu'en est-il de ses effets connus sur la vie? C'est très difficile de trouver des réponses sérieuses à cette question, en tout cas sur le net. Le plus souvent, j'ai l'impression de tomber dans de la pseudo-science. Je n'ai quasiment rien trouvé à ce sujet sur Google Scholar. Concrètement, agit-elle vraiment sur les plantes? Dans quelle mesure? Sur un grand arbre contenant des centaines de litres de sève, d'accord, mais sur une patate? Sur un humain? Les phases de la Lune, on est d'accord que cela ne change rien d'autre que la puissance de la lumière qu'elle nous renvoie? Si vous trouvez le temps de parler de ce sujet qui a l'air assez compliqué, je saurais peut-être quoi répondre à mon ami qui cultive ses légumes tout à la Lune. Merci d'avance les amis et bonne continuation. J'ai très hâte d'écouter votre dossier sur Hubble. Alors moi j'ai 2 réponses, une utile, une inutile. D'abord, on a déjà traité un des aspects scientifiques de la Lune, son effet sur les naissances humaines. Et on a pu dire qu'il n'y avait strictement aucun effet, c'était un quiz. Et ensuite, il y a Et du coup, pour la détente, l'autre truc, c'est que je crois qu'il y a un coiffeur à Paris qui vous propose de vous coiffer des soirs de pleine lune. Ça, c'est cool. Sinon, on avait un dossier sur les cycles circadiens aussi qui existait. Je ne sais pas s'il parlait de la lune, de Topo. Je ne sais pas s'il parlait de la lune, mais c'est un très bon lien. qui s'appelle Nictémère, c'est ça. Et en tout cas, sur les plantes et les légumes, machin et tout, ça va pas être sur la quantité de sève qu'il y a même dans un très grand arbre que ça va avoir une influence. C'est clair que non. C'est ça sera pas le liquide, quoi. Je veux dire, si jamais ça a une influence, je sais pas s'il y en a une, j'en sais rien, mais. On avait un message de Damien aussi. Allez, ouais. Termine. Il est un peu long, mais... Et c'est moi qui me le paye, c'est cool. J'aurais dû boire de l'eau avant. Si un jour, pour je ne sais trop quelle raison, on me demandait ce qu'est Podcast Science, je répondrais qu'il s'agit d'une émission qui m'a fait découvrir des sciences passionnantes, étonnantes, incroyables, voire magiques, et le tout avec une légèreté déconcertante, mais si appréciable. Parfois, il m'arrive de m'endormir avec leurs différentes et agréables voix en fond sonore. Étonnamment, ces émissions ont les mêmes pouvoirs que les histoires pour enfants. Elles font rêver et rire, elles nous transportent et parfois nous endorment, mais pas par ennui, plutôt pas par besoin, comme si notre imagination libérée de tout poids avait besoin de cela pour s'exprimer à travers ce mélange improbable de rêve et de science. La science ne doit pas être une religion, elle ne peut pas avoir le dernier mot. La science est une remise en question constante dans laquelle rien n'est réellement acquis et où tout est à découvrir. La science n'est pas la recherche de la vérité, c'est l'application d'une recherche minutieuse qui aboutira ou non, mais qui en aucun cas ne sera inutile. Et là se trouve la magie de la science, l'erreur y est permise, l'erreur y est constructive. La science, c'est l'amour, un doux parfum d'union internationale où seule la curiosité humaine fait loi. La science est un monde où le débat est possible, c'est une langue mondiale que seuls les passionnés comprennent. Elle procure en effet des frissons, de la joie, de l'étonnement et de la tristesse, des sentiments plus puissants les uns que les autres. La science est un arc-en-ciel au milieu d'un monde qui est parfois extrêmement terne. Podcast Science m'a confirmé cela, des personnes drôles, sympathiques, passionnées, qui parlent simplement de sujets ô combien complexes, avec pour seule mission de comprendre, d'apprendre, d'enseigner et de divertir. Il y a un fossé entre l'enseignement scientifique au lycée et la véritable science, et ce podcast permet de s'en rendre compte à quel point il est immense. Au lycée, on nous apprend des formules à appliquer, et on enchaîne et survole les incalculables chapitres, sans même s'y intéresser. Puis j'ai découvert votre podcast, j'ai redécouvert des sujets étudiés en cours et d'autres inconnus, et je me suis dit que si les enseignants parlaient de leurs sujets aussi bien que vous, et si l'éducation nationale leur en donnait le temps, bisous Billy, le monde tournerait tellement mieux. Car s'il y a un esprit scientifique, c'est celui-ci, soit le besoin de comprendre, de chercher, de transmettre, et le tout par ce qui fait la plus grande force humaine, l'entraide. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous faites, à quel point vous m'avez redonné foi alors que je m'apprêtais à arrêter la voie pour laquelle je crois être fait. Vous m'avez redonné du combustible, et ces nombreuses heures d'écoute m'ont autant appris qu'éduqué. Mon message peut paraître naïf, mais j'étais déterminé à vous montrer contre vents et marées que vous êtes juste géniaux. Billy, donc pourquoi tu fais des cours aussi chiants? Non mais en fait le pire c'est que je vais lui donner raison, c'est à dire que après moi j'ai un contexte particulier où je suis vraiment dans les classes à examen, donc ultra speedée par les programmes et où je culpabilise quand je raconte des conneries à mes élèves, c'est à dire que où je vais raconter des anecdotes soit d'histoire des sciences soit de trucs et je me dis mais mince j'ai pas le temps, et en général c'est ce qui pourtant a le plus de succès, donc il a pas tort quand il critique le fait qu'on fasse du zapping et qu'on soit absolument pressé. Enfin, je serais la première à lui donner raison. Donc, non, son message était très poétique. On avait l'impression qu'il avait un peu fumé, mais j'aurais répété à jeun tout ce qu'il aurait pu raconter. Et je trouve ça super cool comme message. J'aimerais aussi avoir l'avis quand même de quelqu'un qui est dans le monde de la recherche, parce que là, ça donne quand même une vision de Bisounours qui, je pense, est quand même relativement éloignée de la vraie vie, quoi. Non, il a raison, c'est parfaitement, c'est vrai. C'est comme ça. Ouais, non, mais moi je... C'est vrai, la science est un monde de bisounours qui partagent, non, qui sont pas en concurrence. La science est amour. Tiens, resserre-moi un peu de champagne. Marie, elle a besoin de champagne quand on lui dit que la science est amour. Non, mais la science est amour, je confirme. Non, par contre, je trouvais ça intéressant ce qu'il disait sur la motivation. C'est vrai qu'en science, elle vient et elle est dure à garder. Et c'est pas toujours facile de la retrouver. Donc, c'est chouette son message. Ah non, mais oui, ça fait plaisir en tant que chercheur. Moi, j'aimais bien ce qu'il a raconté sur la vérité aussi, que c'était pas la vérité, mais en tout cas, c'était une question constante. Je suis bien d'accord aussi, oui. Bon. Très bien. Bon, juste pour conclure. On retiendra cette... Merci Damien, en tout cas. Ouais, merci, c'est sympa. Et juste pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé aux retranscriptions. Donc, ça a bien redémarré depuis la 200e, je dirais. Ouais, et puis avec des émissions hyper dur à t'inscrire. Quoi. Très longue, donc il y a eu vraiment un boulot de fou qui a été fait. Donc, on remercie Guilin, Romain, Julien, Stéphanie, Guillaume. Alors, Joanne, j'espère que j'oublie personne. Je suis en train de vérifier, je crois que tu n'oublies personne. Avec voilà, en particulier Guilin qui s'est vraiment donné. Qui est une machine, qui nous avait fait déjà plein de retranscriptions il y a quelques mois et qui... il en a fait trois en quelques jours, là. Ouais, exactement. Enfin, quelques semaines. Et Stéphanie qui a des envies de meurtre auprès de Robin. Ouais, j'allais dire, qui c'est qui se tape les dossiers de Robin parce que... Ah, personne. Donc on cherche des gens pour retranscrire les dossiers de Robin ou alors pour forcer Robin à le faire. Qu'est-ce qui me faisait du mal, là ? Y a-t-il des candidats à suicide ce soir ? Bon, on aimerait bien que tu aies des dossiers, Robin. Écris, tu sais. Ah oui. Non, bah oui. Bah oui, non, mais alors voilà. Mais oui. Mais alors voilà. Des dossiers construits. Ouais, alors ça voudrait dire qu'il faut que le je les écrive avant de les faire. Le truc où tu ne dis pas au milieu. Ah, tiens, je vous ai oublié de vous parler du début. Ouais, non mais bah oui, non mais si vous voulez, j'arrête de faire des vestiges. Non mais voilà, parce qu'après sa réponse c'est tu fais plus de dossiers. Ah non. Mais tu les écoutes pas, Billy. Arrête, c'est pas vrai. Je suis venue une fois et c'était pour Robin parce que ça m'intéresse. On passe à quelques mots sur les dons. Alors on avait un grand merci à la maman de Clara d'abord. Donc Clara, c'est celle qu'on a reçue, qui nous a parlé des maladies mentales, qui était venue nous parler du cerveau aussi. Et il se trouve que sa maman nous a fait un don, donc on est très contents. On est encore en train d'essayer de voir comment on va l'encaisser parce qu'elle a fait un chèque. Et bizarrement, je ne fais pas partie des discussions. Non, bon, plus sérieusement, on est très très contents. Il n'y a aucun problème pour l'encaisser. On va s'en sortir comme des grands, mais donc on est très très contents. Et merci à Étienne aussi. Qui nous a aussi fait un don. Alors, pour votre information, sur les dons, on vous dit souvent qu'on va les dépenser, qu'on les dépense pas trop. On a acheté une table de mixage pour l'instant. Et là, on organise, vous le savez maintenant depuis la semaine dernière, une émission pour la Gay Pride. Et là, on va dépenser un peu d'argent pour pouvoir permettre à des invités de venir, pour éventuellement peut-être... acheter 2-3 choses pour que Podcast Science soit un peu visible, peut-être un peu de communication. Donc ça va être un des premiers événements où il va y avoir une partie du financement qui va, enfin la partie non bénévole du financement qui va être faite via l'association, et ça fait plaisir de se dire que ça s'autofinance un peu en partie en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup. Et j'ai un silence merveilleux, c'est ça. Non bah oui, merci, oui, mais oui, ça, c'est, merci. Oui. Et on vous dira ce à quoi ça a été utilisé, mais donc on passe au pitch alors. La semaine prochaine, on reçoit Michael, donc un de nos auditeurs qui a subi le parcours dossier, vérification, reprise de dossier pour 16 heures, etc. Et qui donc va venir nous parler des sciences. Des experts en français, les experts. Et oui, dans la série, c'est les experts. Les sciences légistes. Alors, soyons clairs, la série, c'est les experts Las Vegas. On ne parle pas des autres versions, Miami et tout, qui n'ont aucun sens. Bon, je vous lis son pitch. Tout le monde a au moins déjà vu une fois un épisode de CSI, les experts en français ou NCIS. Toujours la même histoire, le lieutenant, le patron du labo, les inspecteurs qui sont à la fois les analystes et les préleveurs, et un ou une génie de l'analyse devant un appareil qui sait tout faire. Eh bien, vous vous y attendiez. Tout est faux ou une grosse partie. Alors, on va peut-être casser un mythe, mais c'est comme ça. Et donc, Michael viendra nous présenter tout ça la semaine prochaine à 20h30. Donc, les experts, c'est cet épisode où t'as le chef du labo qui, en fait, c'est déjà la solution dès le début de l'épisode, mais comme il faut que l'épisode dure 40 minutes, il le dit qu'à la fin. Et sinon, bon, par contre, ce qui est très très drôle, pour être un peu plus sérieux, moi je suis un grand fan des experts Las Vegas, jusqu'à les saisons où Grissom est parti, comprenne qui pourra. Bref, ce qui est assez amusant quand on voit l'évolution des saisons, en fait, c'est que les tests ADN vont de plus en plus vite. C'est-à-dire que dans la saison 1, c'était « on va faire un test ADN, ok, on aura le résultat dans une semaine », et donc ils avaient des choses à faire entre-temps. Et puis dans les dernières saisons, c'est « on fait un test ADN, ils appuient sur un bouton, ils l'ont en 2 secondes, ils font « non, c'est pas lui ». En même temps, ça reflète des réalités. Hein. Ouais, mais c'est assez rigolo de le voir évoluer dans la série, justement. Non mais c'est cool, et en plus la police scientifique, il y a plein de trucs à dire, et notamment sur l'histoire des sciences, et ça rejoint pas mal de trucs parce qu'il y a des scientifiques pas mal connus qui vont réapparaître dans d'autres sujets et qui ont fait pas mal avancer l'histoire des sciences, donc c'est marrant. Moi pour l'anecdote, je fais un cours de police scientifique avec mes élèves de seconde, et une fois on étudiait le sang, et j'ai quand même un élève qui a réussi, sans que je m'en aperçoive quand même, en 2 heures, ce qui est quand même assez fou, d'écrire tout son TP en faux sang. C'est-à-dire que... Mais apparemment ça les passionne, hein. Même des gens qui choisissent cette option pour des mauvaises raisons à mon avis. Juste pour savoir comment ne pas se faire griller quand tu fais un meurtre. On passe à la quote. Je crois que Marie nous a ramené une quote. Je la lis alors. Alors j'ai pris une quote de Oscar Wilde. Tout se prouve, même ce qui est vrai. C'est marrant, il écrit en français, je me souvenais pas. Ouais, bon, traduite. Tout se prouve, même ce qui est vrai. Voilà. Et pourquoi celle-ci ? Eh ben, parce qu'en fait, il a souvent raison. Donc, j'espère que ce coup-ci, il a encore raison, quoi. Ça serait chouette. Pour moi, pour tous les scientifiques, ce serait cool. Finalement, ça rejoint le message de Damien. Et... Ouais, ça me faisait. Ça m'y faisait penser pendant la lecture de son mail, ouais. Moi, je trouve que c'est une jolie citation. Et pour une fois qu'un littéraire parle de science, je trouve ça cool. Et on avait aussi une autre, un grand événement sur les côtes, Julie. Alors, nous avons une nouvelle préposée aux côtes. Alors, un peu déçue de la côte de secours d'Alan après le dossier de Johan sur Hubble, Aline B. a râlé. Elle a eu droit au traditionnel « si tu penses pouvoir faire mieux ». Et la voici responsable en chef des côtes. Alors, un immense merci à elle. Et voici ce qu'elle nous a déniché pour l'occasion. La vie polaire et de surcroît en groupe ne permet aucun maquillage, aucun subterfuge, aucune tricherie. On se montre tel qu'on est, l'homme que l'on est au fond de soi et qu'on ignore soi-même. Paul-Émile Victor, préface de Antarctique, désert de glace de Claude Lorius. Marie, un commentaire. Ah bah oui, c'est vraiment ça. Non mais c'est exactement ça. C'est vraiment, on est tel qu'on est là-bas. Ouais, comme dans tous les milieux un peu extrêmes. Comme dans tous les milieux un peu extrêmes. Simplement, je trouve que la différence, c'est que c'est vraiment intense là-bas. Au lieu d'être sur le cul, parce que ce qu'on voit, c'est incroyable. Une fois tout par semaine, on l'est toutes les 10 minutes, en fait. Donc, c'est vraiment intense et ça laisse aucune place aux chichis, aux clichés, à tout ce qui est à côté. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'aime cet endroit, c'est, je le dis, je le répète tout le temps, mais j'arrive pas trop à l'expliquer, c'est que là-bas, on se sent vraiment soi-même, on se sent libre et c'est le sentiment de liberté, il est palpable là-bas. J'ai du mal à l'expliquer, mais. Et moi, j'ai juste une question. Je sais que. Okay. Quand je pars en vacances, j'aime bien lire des romans qui me rapportent à l'endroit où je suis ou qui parlent voilà, du milieu où je suis. Et s'il y avait des romans qui se passent en Antarctique ou en Arctique, à part des expéditions polaires qui ont mal tourné. Oui, parce qu'il y a les Shackleton et compagnie. L'Odyssée de l'Endurance de Shackleton est vraiment, vraiment chouette à lire. Mais à part les expéditions polaires qui ont mal tourné, moi j'aime les bouquins de Paul-Émile Victor. Boréal est super. Et après, il y a des guides, en fait, certains de mes collègues qui ont écrit des bouquins, que ce soit des bouquins de photos. Il y a un type qui s'appelle Nicolas Dubreuil qui a écrit un livre de légende, et ça s'appelle Mystère polaire, je crois. C'est un livre de légende que se racontent les Inuits ou de bases cachées par les Russes ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des trucs très, très cool. Et puis, à quoi je peux penser d'autre ? Ouais, non, si, ça c'est bien. C'est déjà pas mal, on essaiera de les mettre dans les notes de l'émission à la fin. Mais j'aime beaucoup le style de Paul-Émile Victor, c'est vraiment chouette. On passe au plug. C'est un plug pour notre émission spéciale Gay Pride. Donc oui, on fait une émission radio dessinée pour à l'occasion de la Gay Pride, où on va essayer de parler d'homosexualité en science et sans militantisme. Donc tout un programme, on va parler de tout plein de choses. Le programme n'est pas encore complètement clair. Il y aura bien sûr de la biologie, il y aura sans doute des mathématiques, on va essayer d'en mettre, et il y aura plein d'autres choses je vais pas trop m'étendre sur les sujets, mais parce que le programme est pas encore complètement défini, mais il y aura pas mal d'invités d'intervenants extérieurs. Voilà, pas mal d'intervenants extérieurs. Ça va être un format qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait au CERN, c'est-à-dire plein de petits mini dossiers sur plein de sujets très différents, toujours scientifiques. C'est vraiment la chose à laquelle on s'attache le plus. Pour pas tomber dans du débat ou du militantisme, mais voir vraiment ce que peut dire la science de l'homosexualité. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans 2-3 épisodes, mais là on va vraiment se centrer autour de ça, et ça s'annonce vraiment très très intéressant. Donc la date, c'est le 27 juin, c'est à Paris. On n'a pas encore de lieu précis, mais on vous préviendra sur le site web et un peu partout. Vous pouvez juste savoir que c'est à Paris le 27 juin. Je vous conseille de très rapidement réserver des billets si vous devez venir de loin, parce que c'est déjà très cher, parce que c'est la Gay Pride. Donc il y a 2-3 personnes qui viennent pour l'occasion. Et voilà, ça s'annonce sympa. De toute façon, ce sera retransmis. On ne sait pas encore si ce sera retransmis en live, mais en tout cas, ce sera retransmis en différé. Et on vous donnera les infos au fur et à mesure qu'on a plus de nouvelles. Alors ensuite, pas exactement un plug, mais un petit coucou d'Alan qui a participé à la Life Science Career Days de l'Université de Lausanne samedi dernier. pour participer à une table ronde sur le journalisme scientifique et animer un symposium en anglais. Il était mortifié pour aider les étudiants à trouver des pistes de future carrière. Il a eu une nouvelle fois la bonne surprise de rencontrer des auditeurs, fans du podcast, à qui il a fait un gros bisou. Et il a rencontré d'autres personnes très intéressantes comme Tatiana Sokolov, qui partage depuis quelque temps son amour des sciences en animant une page Facebook qu'elle a créée et que nous vous invitons à liker. Donc la page s'appelle Une souris verte science. Il suffit de taper Une souris verte tout attaché dans le moteur de recherche de Facebook et vous tomberez dessus. Donc voici ce que Tatiana nous dit du concept. Tous les lundis matin, je publie sur la page un petit dessin que je fais moi-même de la souris verte avec quelques lignes. Soit sur un sujet scientifique amusant, médecine, biologie, sciences pures, soit sur un sujet vert, environnement, écologie, réchauffement climatique, consommation locale, recyclage, mais le côté pratique de la chose. Par exemple, quels sont les légumes de saison à privilégier ce mois-ci? Donc, allez donc suivre cette page de notre part, ça nous fera plaisir. Une souris verte tout collée dans Facebook. Voilà, je ne sais pas si vous likez déjà la page. Sinon, on avait un plug pour VoyageCast, Jonathan. Voyage Casque que vous connaissez et qui est dans la chatroom en ce moment. Et donc, il organise un petit truc sympa au dernier bar avant la fin du monde avec Anne-Laure. Ce dimanche 18 mai de 14h à 17h qui s'appelle Alien versus Anthropologue First Contact. Donc, pour faire simple, des anthropologues auront pour mission de rentrer en contact avec une civilisation extraterrestre. De leur côté, plusieurs siècles d'expérience en anthropologie et les enseignements qu'ils ont retirés des premiers contacts entre sociétés sur la Terre. De l'autre, l'inconnu total. Comment créer un premier contact? Quels sont les premiers mots, les premiers gestes à faire? Qui aller voir en premier? Comment s'habiller? Quoi offrir? Nous, on a nos petites... Jonathan et Anne-Laure ont leurs petites idées là-dessus. Mais qu'en disent les anthropologues? Début et peut-être fin de réponse dans cet enregistrement live d'Anthropodcast. Donc, il y a un lien Eventbrite, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir. Par contre, c'est au dernier bar avant la fin du monde, donc il y a l'adresse là-bas. On vous mettra le lien donc, dans les notes de l'émission. Je pense que ça ne servira à rien. Et c'est à Paris, donc le dernier bar avant la fin du monde. Tout à fait. Donc dimanche, 17h à Paris. On le met dans la chatroom maintenant et puis on fera un message sur les réseaux sociaux dans la semaine. Sinon, un petit plug pour une émission avec laquelle à laquelle on a eu l'occasion de participer avec Alan, qui est une émission qui s'appelle Positron, qui est un podcast. Qui propose où il y a toujours deux invités, donc là c'était Alan et moi, et ça propose de présenter des choses culturelles, des films, des jeux, des bouquins. On a participé à plusieurs émissions. La première va être retransmise cette semaine, donc normalement au moment où vous écouterez, elle devrait déjà être en ligne. Vous pouvez la trouver sur French Spin, je ne sais plus si c'est .fr, mais ça doit être .fr, oui, frenchspin.fr, qui est donc le site de Patrick Béja qui anime l'émission, et sinon sur tous les agrégateurs de podcasts habituels. Et vous pourrez découvrir la première recommandation culturelle de Alan et de moi, et d'autres devraient suivre. Voilà, Walou. J'enchaîne avec un plug que j'ai déjà fait l'année dernière et puis probablement l'année d'avant si j'étais là et si j'y ai pensé. Il y a l'événement annuel à ne pas manquer. Bon, alors c'est encore à Paris, j'en suis vraiment désolé, ça fait très parisien tout ça, mais bon, il faut venir même si vous êtes loin de Paris. Il y a le dernier week-end de mai, donc ça sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À Place Saint-Sulpice, à Paris, en plein air, c'est gratuit, c'est entrée libre, tout ça. Le salon culture et jeux mathématiques. C'est toute la journée, et donc il y a un stand du Palais de la Découverte sur lequel je me trouverai à peu près tout le temps. Et il y a plein d'autres stands avec tout plein de choses qui peuvent concerner les maths de près ou de loin. Donc des jeux de logique, des jeux pas de logique, des tours de magie, de l'origami, des œuvres d'art qui peuvent faire un peu penser à des mathématiques, des conférences, des concours, etc. Enfin bon, il y a plein de choses, je peux pas tout citer parce qu'il y a vraiment énormément de choses, et c'est super sympa, c'est une super bonne ambiance, et c'est vraiment 4 jours super agréables pour tous les gens qui y sont, et donc a priori pour les visiteurs aussi. Voilà, et je pense que Nico y passera aussi un moment, non? Ouais, je devrais y passer, et c'est vraiment, je confirme, c'est très sympa, c'est très bon enfant, et on peut y voir plein de sculptures assez extraordinaires, soit avec des tickets de métro, soit avec autre chose, oui. Et puis des jeux amusants, enfin, c'est tout un écosystème un peu étrange. Voilà, bah en gros, c'est l'écosystème des gens passionnés par les maths et qui ont envie de faire passager leur passion au plus de monde possible, donc j'aurais envie de dire, si vous aimez les maths, venez, vous allez vous y retrouver parce que vous êtes avec des gens comme vous, et si vous aimez pas les maths, surtout, voilà, ouais, si vous aimez pas venez les maths, parce que c'est l'occasion de changer d'avis, enfin, je veux dire, c'est vraiment un moment où on rencontre des matheux qui ont super envie de partager, quoi. On a une concentration des matheux qui sont les plus partageurs de leur passion. Voilà, et puis je voulais, bah, c'est peut-être un petit peu tôt, mais je me dis c'est dans moins d'un mois, je vais quand même en parler. Je fais la pub du Palais de la Découverte, tant qu'à faire. Il va y avoir le 9 juin une exposition qui va démarrer, qui va ouvrir temporaire, qui va être là jusqu'à fin décembre. Donc ça va être pour un bon moment quand même. Une exposition temporaire qui est une exposition d'art. Contemporain plutôt. Ce qui est très sympa, c'est que c'est une exposition. Si on accueille une exposition d'art, c'est qu'il y a quand même des sciences qu'on peut aborder par elle. Et en fait, c'est des gens qui créent des installations. Ça s'appelle XYZT Paysage Abstrait. Et c'est des gens qui créent des installations lumineuses en modélisant des phénomènes physiques. Donc c'est quelque chose dans lequel il y a modélisation de hasard, modélisation de membranes qui bougent, de fluides, de choses comme ça. Et donc on se balade dans des paysages qui sont uniquement en noir et blanc, où il y a juste de la lumière blanche qui est projetée. Et en fait, pour comprendre comment ça fonctionne et pour même apprécier, même un peu mieux, je trouve, les installations, c'est bien de comprendre un peu comment elles sont faites. Et donc c'est l'occasion de parler de maths, de physique, d'informatique, pour essayer de comprendre un peu comment toutes ces choses-là sont faites. Et alors, j'ai pas vu moi-même les installations, j'ai vu que des vidéos qui en parlent, mais ça a l'air vraiment très très chouette, c'est utilisé aussi en spectacle, et ça a l'air vraiment très sympa. Et donc je bosse énormément dessus pour voir quel contenu mathématique on peut aborder au sujet de cette expo. Voilà, donc il y aura des exposés de maths à propos de l'expo et l'expo en elle-même à partir du 9 juin. Super, bah on en a fini pour les plugs, à moins qu'il y ait autre chose à rajouter. Ah, c'est pas mal, non ? Ouais. Bon, j'en ai fait deux, et ça va. Hein. Du coup, je vous propose de conclure avec cette longue et chargée émission, mais passionnante aussi, quoi. D'abord, bah, grand merci à Marie. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup d'être venu. C'était... Ouais, super, merci. Et reviens quand tu veux, du coup. Hein. On a vraiment envie d'en savoir plus. Je crois que tu vas être sans doute invité par VoyageCast aussi, qui a bien envie que tu lui racontes ton voyage du côté de ces zones moins méconnues. Et puis on est vos dévots, moi ça m'intéresse. Et voilà, donc tout plein de choses. Vous pouvez donc réserver une expédition pour l'Antarctique. N'hésitez pas, vous pouvez aussi nous envoyer de l'argent pour qu'on puisse y aller. N'hésitez pas non plus, je pense que c'est assez important qu'on aille faire de la science avec joie là-bas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à envoyer des messages, plein de messages sur les émissions, à nous faire des retours. Vous pouvez le faire un peu partout, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On a une nouvelle page Facebook, on a un groupe Facebook maintenant où on peut s'amuser. On a aussi un groupe Google+, qui est en train de gentiment mourir. On a bien sûr notre site internet, podcastscience.fm. Quoi d'autre que j'oublie ? Ben en fait, je pense que j'oublie pas grand-chose. Vous pouvez aussi retrouver bien sûr le podcast sur SoundCloud, sur la plupart des agrégateurs de podcasts. Et voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine pour parler des sciences scientifiques, enfin des sciences scientifiques, non, des sciences du crime, du CSI, des experts. Et d'ici là, bonne semaine et que servir la science soit votre joie.